Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Produit en Croix, paye pour les intimes. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jeu vidéo? Vous a-t-il laissé une marque indélébile qui a déterminé la suite de votre vie de joueur? Était-il simplement bon? Était-ce un jeu connu ou une curiosité vidéoludique? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les limbes de l'enfance, cette époque teintée de nostalgie et d'insouciance. Oh, comme c'est bon, on dirait presque que ça n'a pas été écrit et que ça a été écrit en fait. Incroyable. Félicitations, merci d'avoir écrit l'intro parce que sinon ça aurait été nul comme intro. Et voilà, c'est la fin de l'épisode, merci à tous d'être venus. Bonjour, ça fait longtemps. Putain, comment ouais. Vous allez Nous ou les mecs qui regardent? Je pose la question à tout le monde. Je pose la question à tout le monde. Je savais pas si c'était le moment où je devais parler ou pas. Bah si, écoute, bien sûr. Ça va très bien, content de reprendre. Après 6 mois. En plus après un an et demi. Non, j'ai compté. Non, en vrai, si ça fait un. Ça fait un. Non, je pense que ça doit faire 8-9 mois, un truc comme ça. Bah non, parce non, que. Bah non. Bref. Non, puisque non. De toute façon, cet épisode il prendra 3 mois à sortir, comme ça fera un an. on va pas s'embarrasser de détails. Ouais. Exactement. Eh bah, du coup, comme tu l'as bien dit, aujourd'hui on va parler de nos jeux qu'on a fait quand on était petit. Alors, à la base, le thème c'est nos premiers jeux vidéo, sauf que on n'est pas sûr que ça soit vraiment nos premiers jeux. Du coup, ça va être les jeux où on a le souvenir le plus ancien. C'est ça. C'est un thème très sympa, très vague un peu, mais bon, bref. Ah oui, c'était pour reprendre sur un thème un peu général, comme ça on prend. Mais dans un mois et demi, on vous colle un sujet philosophique sur le jeu vidéo, vous êtes pas prêts. Oh non, pas encore. Par pitié, hein. On va pas refaire une Persona 5. Alors, que pensez-vous des remakes et des remasters? En vrai, pour le coup, ça pourrait être un bon sujet. Un bon sujet. Alors, au secours, il y a un clébard qui est en train d'hurler, j'espère qu'on l'entend pas dans mon micro, mais bref. Qui c'est qui veut commencer à raconter l'un de ses premiers jeux là? Bah écoutez, on va commencer par le plus vieux, donc on va prendre Nechiku. Comme ça, on fait par ordre chronologique. C'est parti. Vous allez pleurer. Ah bon? Ça a même pas commencé. Non mais Nechiku, il va raconter un jeu qui est ultra vieux et puis il y a moi. Comment ça, un jeu ultra vieux? Il est sorti en 99, je crois, sur la Dreamcast. Taisez-vous. 3 ans avant ma naissance. Ou 2000, je sais plus. Ouais, je vais parler de mon tout premier jeu, de ma toute première console, à savoir la PlayStation 2, que je reçois comme finalement beaucoup d'enfants à Noël. Alors je sais plus si c'est Noël 2000 ou 2001. Et je reçois un jeu qui s'appelle Ferrari F355 Challenge, qui est un jeu de course, et je vous le donne dans le mille, c'est un jeu dans lequel vous devez conduire une Ferrari F355. J'aurais préféré un multiplat, ça aurait été marrant. C'était un jeu qui était... J'ai pas énormément de souvenirs de ce jeu, j'en ai deux principalement. Mon premier, c'est faire les ovales, mais à l'envers, et donc percuter les voitures qui arrivent en face de moi. Et la deuxième chose dont je me souviens... C'est écouter une chanson et dire que c'est Johnny Hallyday qui la chante alors que le mec chante en japonais. C'est à peu près tout ce dont je me souviens vraiment du jeu. Sinon, le jeu en lui-même, il est vraiment bien. J'ai eu l'occasion d'y rejouer l'année dernière parce que j'avais envie de me le refaire, nostalgie, tout ça. Et je le trouve... vraiment pour l'époque très très surprenant, une très très bonne simulation avec beaucoup de réalisme dans le comportement des voitures notamment. Par contre, la gestion des collisions est absolument affreuse, mais voilà, ça c'est le tout premier jeu auquel j'ai joué de ma vie. C'est le tout premier jeu aussi et le seul où on a essayé de monter un volant avec un pédalier avec mon père sur PS2, mais c'était un enfer, ça marchait jamais, on n'arrivait jamais à connecter. Volant et pédalier. Ouais, tu pouvais acheter des volants et des pédaliers. Ça se branchait genre dans le port manette en fait. Alors il me semble que ça se branchait dans le port manette, mais j'en suis même plus sûr à vrai dire, mais je pense que ça va être le port manette. Le setup devait être incroyable. Ouais, c'était un setup absolument pourri. On avait acheté un truc sur un vide-grenier qui avait coûté 20 balles. Le truc il marchait pas, enfin c'était terrible. Enfin bref, F355 Challenge, on le met de côté, même si c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et que j'aimerais bien avoir dans ma bibliothèque, parce que voilà, mon premier jeu, ça se garde forcément, puis pas très cher, donc Voilà. Et du coup, il est bon même par rapport au... Ah, parce que sur PS2, la bon, déjà la tonne de jeux qu'il y a sur PS2, et ensuite la tonne de jeux de course qu'il y a sur PS2. Bah, sincèrement, pour un jeu qui est sorti en 2000 sur Dreamcast, je crois, 99 ou 2000, donc Gran Turismo 3, qui est la référence absolue à l'époque, n'est pas encore sorti, et j'ai pas joué à Gran Turismo 3. Je trouve que le comportement des véhicules est vraiment, vraiment très, très bien retranscrit au niveau des phases de freinage, au niveau aussi du fait de perdre le véhicule lorsque tu es un petit peu trop vite dans le virage. On a vraiment cette sensation d'avoir une voiture qui a un comportement assez crédible. Donc moi, je suis assez satisfait de la simulation. Après, je dis sans doute peut-être n'importe quoi, et ça se trouve, il y a des gens qui vont trouver le jeu affreux. Mais ça, c'était pas mon cas, donc c'était... Enfin, moi, je trouve que le jeu se défend bien. Mais du coup, c'est ça qui t'a donné un peu l'amour de la F1 ou pas? Non, absolument pas. Non, je regardais la F1 avec mon père dans les années 2002, 2003, 2004. Puis après, je m'en suis complètement désintéressé pendant 10 ans. Et puis, je me suis remis à regarder des courses par une magie qui m'échappe. Et puis voilà, j'ai replongé dedans. Voilà, je suis effectivement, comme tu le soulignes, un grand passionné de Formule 1, mais de sport automobile en général. Mais non, c'est pas spécialement ce jeu qui m'a initié vraiment à ça. Et pour être honnête, j'ai un seul souvenir de Formule 1 vraiment dans ma tête quand je repense au Grand Prix que j'ai vu avec mon père. Donc, c'est vrai que les jeux voilà, de Formule 1, pour le coup, c'est une grande tradition. Bah, y a une série de jeux qui s'appelle juste Formule 1, non ? Oui, oui, il y a F1, effectivement, qui est la série, ouais, qui est la série officielle. Après, t'avais d'autres jeux à l'époque. C'était F1 World Championship, je crois. T'avais même des pilotes qui donnaient leur nom à des jeux. T'avais Jacques Villeneuve, F1, je sais plus quoi. Donc, Jacques Villeneuve, champion du monde de F1 en 1997. Schumacher aussi, qui avait donné son nom à des jeux. Voilà. Mais ça se faisait partout dans le sport. Hein. Genre, Giroud a eu un jeu à son nom. Je sais plus. Yannick Noah. Ah ouais? Oui, ça, je savais pas, tu vois. Yannick Noah, Proténus, je crois, un truc. Ah, ça, je savais pas du tout. Je sais que Pete Sampras avait eu un truc, mais. Mais non, mais ça se faisait. Ça se faisait. T'es vraiment en train de chercher Yannick Noah Video Games sur Google et ça t'a encore pire que Proténus, c'est Yannick Noah 2000. C'est une version de All-Star Tennis 2000, visiblement. Alors que Yannick Noah ne pratiquait plus de tennis dans les années 2000, je crois. Vraiment, il a arrêté sa carrière dans les années 80. Et après, il a fait la Coupe Davis dans les années 90, mais je crois qu'il a même pas... En 2000, je crois qu'il faisait plus de tennis, en fait. Enfin, bref, ça se trouve, je raconte des bêtises. J'ai jamais connu Yannick Noah en joueur de tennis. Je l'ai connu qu'en chanteur, moi. Moi aussi. En joueur de tennis, tu connais Yannick Noah de deux choses. Sa victoire à Roland Garros en 83 et le fait qu'il chante Saga Africa quand il gagne la Coupe Davis. Genre vraiment, il gagne la Coupe Davis et les mecs sont en train de chanter Saga Africa sur le court lorsqu'ils ont gagné. C'est incroyable. Bref, c'est pas le jeu qui m'a le plus marqué des jeux de course que j'ai fait. Il y en a un autre et celui-là, pour le coup, il m'a vraiment marqué. C'est Burnout 2, Point of Impact. Donc la série des Burnout, c'est ma première série de cœur. Burnout 2, c'est mon premier coup de cœur. C'est un jeu que je découvre chez des amis de mes parents, qui s'appellent Jean-Marc et Jeff, qui sont des passionnés de jeux vidéo, vraiment. À l'époque, je m'en rendais pas compte, mais ils avaient peut-être 1500, 2000 jeux, quoi, dans leur maison. Enfin, c'était des mecs, ils étaient à fond. Ils étaient à fond dedans. Et un soir, donc mes parents m'emmènent manger chez eux. Et du coup, il me dit, ah tiens, t'as envie de tester un jeu? J'ai fait, écoute. Alors du coup, je vais te faire tester World Rally Championship, donc un jeu de rallye tout simple, tu vois. Et puis au bout d'une heure et demie, il me dit, attends, je vais te faire tester un autre jeu. Celui-là, je pense que tu vas l'aimer. En plus, il y a des crashs dedans. Et moi, je fais, oh, trop bien. Et donc du coup, il m'installe le jeu et là c'est... Ouais, je crois que je joue pendant 2 heures non-stop, quoi. Je suis totalement concentré dans ce que je fais. Tu manges même pas Si j'avais mangé, j'étais reparti jouer après. Et j'ai trouvé le jeu super. Et donc, j'ai pris une grosse claque ce soir-là, que j'ai conclu avec à nouveau du rallye parce que j'en avais un peu marre à la fin. Mais approche mon anniversaire, je sais plus quel âge j'ai. 120 ans. Et mes parents m'offrent Burnout, mais pas le deuxième, le premier, tout premier, que t'es moins bien, mais qui m'a fait quasiment une partie de mon enfance, quoi, que j'aimais beaucoup. Mais il manquait le feeling, tu vois, du 2. Je me suis dit, ouais, ça va moins vite, c'est moins spectaculaire, il y a des trucs sympas, mais tu vois, le 2, il était quand même mieux, tu vois. Et puis, bah, le 2, j'arrivais pas à mettre la main dessus. J'ai eu l'occasion de jouer au 3, pareil, chez Jean-Marc et Jeff. Troisième épisode dont je n'avais strictement rien compris. Il y a un système de jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'appelle le takedown. En gros, c'est pousser ses adversaires dans le mur pour diverses choses, pour s'en débarrasser. Il y a un mode de jeu qui s'appelle le mode road rage, dans lequel vous devez balancer le plus d'adversaires dans le mur possible. Mur, voiture, poteau, tout ce qui peut vous être utile. Burnout 3, c'est pas justement l'un des jeux les moins bien notés de Steam? Au contraire, ce jeu il a été pendant très longtemps classé parmi les 100 meilleurs jeux de l'histoire, ouais, par certains classements. Il me semble que généralement c'est un peu le... Il y a toujours un opus d'une saga qui est populaire, genre il y a FF7, il y a Zelda Ocarina of Time qui est considéré comme le Zelda par excellence, et je crois que Burnout 3 c'est vraiment celui que les gens retiennent de la série Burnout, mais pas que, parce que c'est aussi une ouverture sur le jeu de course arcade. À l'époque, tu t'imagines pas faire un jeu de course comme ça, genre avoir ne serait-ce déjà du trafic, c'est en soi un jeu... on va dire, enfin c'est extrêmement rare dans les jeux vidéo, du moins dans les jeux vidéo en 3D, parce qu'il faut modéliser le comportement des véhicules et tout, enfin voilà, c'est très compliqué. Et puis bah, tu as Burnout 2 où c'est un jeu de course simple où le but c'est de rallier l'arrivée, et puis d'un coup t'arrives avec Burnout 3 et le jeu te dit: non mais écoutez, maintenant le but c'est pas d'arriver premier, le but c'est d'encastrer le plus de voitures possible dans les murs. Et donc du coup, bah, les gens ils font: waouh, mais c'est trop bien, incroyable. En plus, bon, le jeu déchire au niveau de la réalisation, les musiques sont géniales, enfin voilà. Mais à l'époque, je comprends pas le but du jeu, je fais: mais c'est nul, c'est plus lent que Burnout 2, c'est pas bien, tu vois. Donc je sors un peu déçu du contact avec Burnout 3. Mais je continue à aimer la série. J'achète Burnout Revenge, qui est le quatrième épisode de la série, qui est très sympa, mais sans plus. J'achète Burnout Dominator, qui est très sympa, mais sans plus. D'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque j'ai acheté le jeu, j'ai rencontré une amie de l'école qui était venue justement au même carrefour. Donc du coup, je l'ai rencontré juste après l'école. Enfin bref, petite anecdote. Et puis, il manque toujours ce Burnout 2. Alors j'ai la chance de rejouer à Burnout 2 avec une carte mémoire de ces deux personnes. Donc je m'éclate pendant à peu près 2 mois sur le jeu. Puis à un moment donné, ils me disent il faut que tu nous rendes la carte mémoire quand même, hein, parce que bon, c'est bien sympa, mais faut c'est que marrant, mais bon, nous on a besoin aussi de la carte mémoire pour jouer. Et faut savoir qu'à l'époque j'avais une carte mémoire. Sauf que déjà j'étais con. Ce qui en soi n'arrange pas grand chose, mais surtout il faut savoir que j'avais pas une carte mémoire officielle, c'est à dire que lorsque je mettais la carte mémoire dans la console, il fallait que je mette un disque pour installer la carte mémoire sur la console. Sauf que moi je comprenais rien à ce qu'il fallait faire, je faisais les trucs, ça marchait pas, je m'énervais, donc je recommençais inlassablement les mêmes débuts de jeu parce que bah, je connaissais pas la possibilité de sauvegarder. La sauvegarde, je découvre ça avec la Nintendo DS, hein, je découvre, ah ouais, on peut, y a pas besoin de machiner un truc et tout, on peut, et donc voilà. Ouais, avec la Nintendo. Bah avec la Game, avec même la Game Boy, hein, je dirais, même avec la Game Boy, puisque j'ai eu l'occasion d'avoir la Game Boy. Moi c'est avec la Game Boy, c'est avec Pokémon Rouge que Mais donc il y a ça. Et puis Burnout 2, je continue à le chercher et un jour je le trouve sur un vide-grenier. Et là je suis super content. Je le trouve pour 10€. 10€ Burnout 2. Je vous le dis tout de suite, c'est du vol. Le jeu il coûte à peine 2-3€. Mais je l'achète. Et ma mère à côté, elle est sur un autre stand de ce même vide-grenier, et elle prend le jeu et elle le regarde, elle fait: regarde ce que j'ai trouvé. Et j'ai fait: mais nous on l'a acheté. Et ma mère elle fait: bah je l'achète aussi. Donc du coup je me retrouve avec deux jeux. donc, je suis super content, je fais: ouais, super, je vais pouvoir jouer enfin à Burnout 2. Et donc je lance le premier jeu marche pas. Et le premier jeu, c'est celui que j'avais acheté. Oh merde. Il faut savoir que j'avais déjà acheté un Burnout 2 auparavant qui ne marchait déjà pas. Donc je me dis, ah, putain, je suis maudit quand même. Si ça se trouve, le troisième, il marche pas. Je suis baisé, quoi. Et en fait, non, le troisième, il marche. Je suis super content de pouvoir redécouvrir ce jeu. C'est assez tardif. Et ma mère gagne une Wii dans un loto. Vous savez, vous remplissez les cartons et si vous, voilà, vous. T'as vraiment gagné une Wii dans un loto. Ma mère, c'est un oui. Lot, en vrai. Ma mère, oui. Bah, c'était les lots pour les cartons pleins, mais tu peux gagner des lave-linges, des voyages, des voitures même des fois, hein. Même des lotos, tu pouvais gagner des voitures. Ma mère gagne la Wii, elle fait bon bah là maintenant t'as une console, t'as la Wii à la maison, on va mettre la PS2 chez la grand-mère. Donc la PS2 descend chez la grand-mère avec évidemment Burnout 2. Quand je suis en vacances, bah je retrouve la PlayStation 2 qui est super compliquée à brancher parce que bah je peux pas accéder tout le temps à la salle où elle est présente, donc j'y joue très peu. Mais j'y joue, quand je peux y jouer, j'y joue et je passe du bon temps, notamment sur Burnout 2. J'ai plein d'autres jeux, hein, j'ai des jeux de merde, hein, mais j'ai surtout Burnout 2, tu vois. Et puis il y a un jour, mais c'est très tardif, hein, j'ai 15 ans, je crois. J'ai dit à mon père, j'aimerais bien ramener la PlayStation 2 à la maison. J'avais acheté des jeux à l'époque. J'avais acheté Twilight Princess, que j'avais sur Wii, et j'avais acheté Beyond Good and Evil. Voilà. Et pour la petite histoire, à l'époque, il y avait également Twilight Princess sur GameCube. Le jeu coûtait 5€. Ah ouais, un truc qu'on ne revoit plus aujourd'hui, évidemment. Ah, c'est le genre de truc que tu ne vois pas. Alors, pourquoi je ne l'ai pas pris? Parce que j'avais pas la GameCube à l'époque. Et donc, mon père me fait « Ouais, mais je sais pas s'il y aura la place dans la voiture, etc. etc. » Alors que, bon, la PlayStation 2, ça va, c'est pas le truc qui prend le plus de place. C'est pas, ouais, c'est je pense c'est que... C'est ma stock, une PS2, quand même. Ouais, les premières PS2 sont plutôt ma stock. Mais bon, c'est pas non plus, la PS5, tu vois. Voilà, si tu fais rentrer un meuble, tu fais rentrer... Fun fact, on prend la PS2, on la met dans la voiture... Et c'est la dernière fois que j'irai chez ma grand-mère. Merde. Alors non, elle est pas morte, rassurez-vous. Ah, ok. Non, c'est juste qu'il y a eu un petit problème familial qui fait que, du coup, on ne s'est plus jamais rendu chez ma grand-mère. En bon terme avec ma grand-mère, il n'y a aucun souci. Mais voilà, il y a eu des histoires. Et donc, du coup, si j'avais pas pris cette décision, j'aurais peut-être jamais revu ma PS2. J'aurais peut-être jamais revu Burnout 2. Et donc, Burnout 2, maintenant, c'est un jeu que je kiffe faire. C'est un jeu qui met un sourire jusqu'aux oreilles quand il joue. C'est un jeu que je speedrun, ce qui est très rare. Je suis pas speedrunner dans l'âme. Et voilà, c'est un jeu que j'apprécie énormément. Et pour la petite histoire, il faut que je change le jeu que je possède, puisque celui-ci commence à montrer des signes de fatigue. Un petit peu l'histoire de Burnout 2, et puis je raconterai peut-être celle de Mario 64 un petit peu plus tard, mais je vais d'abord laisser la parole à mes chers collègues. Voilà. Et on te demandera aussi qu'est-ce que ça a apporté un peu sur ta... Sur ta vie. Sur ta vie, un peu de... Sur les jeux auxquels tu joues, etc. On l'abordera après pour pas que ça soit... Ouais, pas de soucis. Pour pas que un ça long soit monologue. Vraiment chacun son tour, on va un peu alterner. Donc JJ, si tu veux, tu peux te lancer. JJ le plus vieux, hein. Le plus... Exactement. Son premier jeu était Tennis for Two. Exactement. J'ai même testé Tetris sur machine d'origine, faut le savoir. Bien évidemment, moi je jouais avec des vrais blocs en fait. Oui, c'est ça. C'est lui qui a inventé les blocs que t'avais chez le médecin. C'est lui qui a inventé le jeu vidéo. Vous ne le savez pas. C'est exactement. Vous pouvez aller voir la fiche du premier jeu de Morpion. Il y a mon nom dedans. La fiche Wikipédia. C'est ça. Non, du coup, moi, je suis un... Wikipédia, ça sera vraiment marqué de GG. Je suis un joueur assez jeune du jeu vidéo. Je suis né... J'ai eu 18 ans le mois dernier, donc voilà, pour vous dire... Ouais, bravo ! Je suis jeune. Et mon premier jeu, c'est encore aujourd'hui mon jeu du cœur. Le vrai premier souvenir que j'ai, c'est moi, à peu près à 2 ans, il me semble. 2-3 ans, quelque chose comme ça. Qui reçoit la GameCube de mon parrain de l'époque, que je n'ai plus jamais revu. Je reçois une GameCube avec une manette noire, mais toute nouvelle pour le coup, parce que la GameCube est sortie en 2000, 2001, je sais jamais. 2001, il me semble. Mon parrain l'avait acheté d'époque et l'avait gardé pour moi, en fait. Même si j'étais pas encore né, j'étais déjà un projet. Voilà, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais bref. Avec ça, j'ai trois jeux, trois immenses bangers, évidemment. J'ai Mario Kart Double Dash, qui est un jeu auquel j'ai passé beaucoup trop de temps quand j'étais petit avec mes copains. Mario Sunshine, que je n'avais pas fait à l'époque, que j'avais mais que je n'avais jamais fait, que j'ai pas fait avant 2021, 20, je sais jamais. Et le jeu dont je vais parler, qui est bien évidemment Paper Mario, la porte millénaire. RPG sorti, du coup, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, le 24 ou le 25 juillet 2004 en France. Donc littéralement un mois avant moi. J'aime beaucoup cette anecdote, elle me fait beaucoup rire. Donc du coup, jeu qui a eu 18 ans il n'y a pas longtemps. Un jeu que j'ai fait, je pense très honnêtement à 100%, je l'ai peut-être fait 10 fois, 15 fois. J'ai eu des cartes mémoire et des cartes mémoire remplies de sauvegardes complètes du jeu. C'est quoi le 100% de... Tout. Tout avoir. Tous les fragments d'étoiles. Enfin, pas les fragments d'étoiles, c'est les... Je sais plus comment on appelle ça. Si, c'est des fragments d'étoiles. Morceaux d'étoiles, non ? Les fragments d'étoiles, voilà. C'est pas des morceaux d'étoiles ? Non, c'est des fragments d'étoiles. D'accord, ok. Les trucs qu'on revend à Sabrilin contre des badges, etc. Avoir absolument tout, en fait, littéralement. Avoir fait toutes les recettes du jeu, un peu comme dans Bug Fables. Sauf que là, il y en a beaucoup plus. Allez voir le précédent épisode, hein, Bug Fables. Encore précédent, du coup, c'est avant celui d'avant. C'est pas le précédent épisode. C'est celui d'avant. Raconte, faire le donjon des 100 aussi, que du coup j'avais fait quand j'étais jeune et qui était une torture parce que tu peux pas réellement sauvegarder dans le donjon des 100. Donc je me souviens avoir passé une après-midi avec des copains chez moi où on faisait le donjon des 100, on laissait la GameCube tourner toute la nuit pour se retrouver le lendemain. Enfin, c'était des souvenirs un peu marrants mais un peu horribles parce que la GameCube chauffait à fond. J'habitais dans un... En fait, j'avais la GameCube dans ma chambre et j'habitais sous les combles. Donc, on était en été, il faisait très chaud. J'ai cru que ma console allait mourir, mais elle a survécu. Et un jeu auquel j'ai passé beaucoup trop de temps. Donc, je sais pas si je fais le pitch de Paper Mario 2, franchement. Est-ce qu'il y en a vraiment besoin ? Pitch se fait capturer par des gens. Et voilà, faut la sauver, point, c'est tout. Sauf que cette fois-ci, c'est pas Bowser. C'est les méga Cruxy, une organisation qu'on ne revit plus jamais, et c'est peut-être pas plus mal. Puisque c'était un peu nul, même si c'était un peu... Dans les Mario RPG, c'est jamais Bowser, si. Si. Il y a que dans Paper Jam où c'est les deux Bowser, je crois. Il y a Paper Jam, il y a Dream Team où c'est Bowser en premier lieu. Dream Team, pas vraiment... On va pas spoiler la fin. Dream Team, c'est d'abord Tasma, d'abord. Oui. Avant. Mais il y a aussi Bowser. Et Color Splash, bon, il est un peu manipulé, bizarre. Du coup aussi le premier Paper Mario. Sticker Star. Ouais, aussi. Mais c'est pareil, il est un peu manipulé, donc c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Il y a toujours une histoire où il est un peu manipulé par un espèce de truc. Mais Paper Mario 2, du coup, jeu auquel j'ai passé des centaines d'heures, que j'ai essayé d'apprendre à speedrunner, que j'ai très vite abandonné parce que c'est une horreur de RNG et je déteste la RNG en speedrun. C'est un truc auquel je ne peux pas supporter. Pour moi, le speedrun, j'ai une vision où c'est vraiment juste... si tu foires, c'est toi qui as foiré. Ou alors, problème matériel, mais bon... Donc c'est pour ça que je ne speedrun pas des RPG. Ça m'a donné un grand amour de la saga Paper Mario. Même si j'avais pas joué au premier avant 2019. Avec les débuts, les prémices du patch HD, il me semble. Mais du coup, j'avais fait par après El Famoso Super Paper Mario, qu'à l'époque j'avais bien aimé, même si bon, le jeu est en vérité pas très bien quoi. Bon, voilà, il y a plein de défauts partout, le scénario est un peu aux fraises. Un jour, Jem vous expliquera pourquoi. Dans une vidéo de 45 minutes. Mais bref. J'avais eu Sticker Star après sur ma 3DS, que je n'avais jamais fini à l'époque, que j'ai terminé que tout récemment, après le premier épisode de Produit en Croix, en fait. Donc c'était vraiment il n'y a pas longtemps. Par contre, Sticker Star, sous-estimé. Bah, jeu que justement, j'avais pas aimé quand j'étais petit, que j'ai refait et du coup que j'aimais bien. Enfin, que j'aime bien. C'est juste que le jeu est un peu injuste, des fois. Ouais, bah, il y a quelques soucis de difficulté aussi. Oui, puis après, le jeu respecte pas forcément sa proposition de départ, entre guillemets, en étant Paper Mario. Je pense qu'il y a aussi de ça. Super Paper Mario respecte pas non plus, et pourtant. Oui, déjà. Et en soi, si tu prends le jeu tel qu'il est, c'est un jeu convenable, hein. C'est même un jeu satisfaisant. C'est un jeu convenable. Il y a quand même des problèmes de game design qui sont un peu... Je me souviendrai, mais on en a déjà discuté dans un premier endroit, mais je me souviendrai toujours du moment où je suis rentré dans le désert dans Sticker Star et que j'ai affronté des espèces de Pokiver et que je me suis fait stun littéralement pendant 5 tours à rien pouvoir faire et je suis mort sur ça et j'étais en mode, mais je pouvais littéralement rien faire. Je n'ai pas joué, donc, littéralement. Donc ouais, donc il y a quand même des problèmes un petit peu et des fois il y a des énigmes qui sont un peu bizarres aussi. Mais globalement, c'est un jeu plutôt correct, qui me défend bien. Et du coup, alors je crois que c'est en 2016 que sort Color Splash. Color Splash qui a été pendant longtemps l'un de mes opus préférés, enfin le deuxième en fait, mon deuxième opus préféré de la saga, que j'ai poncé, que j'ai adoré, qui m'a vraiment donné envie en fait de me refaire les autres Paper Mario. Même si je les avais déjà fait, ça a lancé un petit peu cette envie. Et là aussi, ça m'a donné l'envie de faire le premier que j'avais pas fait parce que j'avais pas la console quand j'étais petit et je commençais à arriver dans l'âge où j'apprenais l'émulation, évidemment. donc voilà. Color Splash, un jeu que j'ai adoré, qui je trouve a été, avant Origami King, a été pendant très longtemps pour moi le deuxième meilleur Paper Mario. Même s'il reprend beaucoup de Sticker Star et qu'à l'époque j'aimais pas Sticker Star, je trouvais que le jeu se défendait mieux avec des mécaniques un peu plus sympas, une bande son de malade mental, que je trouve incroyable. La bande son de Origami King, elle est absolument incroyable. Celle de Origami King est meilleure, mais Color Splash, ouais, c'est vraiment, Une bande son de malade. Et du coup, après la sortie de Color Splash, je me décide enfin à essayer Paper Mario 1, le premier, que j'ai détesté, parce que je trouvais que le jeu... donc là, on est toujours à peu près en 2017. C'est un jeu que je trouve, en fait, c'est con à dire, mais c'est Paper Mario 2 en moins bien. Oui, total. Mais même moi, je trouve que il y a pas mal de trucs qui vont pas. Je trouve que le jeu devient très lent, surtout à partir du chapitre. Je crois que c'est le chapitre 5 avec les fleurs. Ah, 6. Ouais. Parce que 5, ça doit être la forêt. C'est la forêt, ouais. Mm. Mais surtout à partir du chapitre 6, qui du coup est le truc des fleurs. C'est qui a été vraiment le premier endroit où j'ai rage quitté quand j'avais fait le jeu en 2017. J'avais juste pas aimé, je trouvais ça long, je trouvais ça pénible. Moi, le truc qui m'a vraiment le plus énervé dans Paper Mario, premier du nom, c'est le désert. Le désert était... Je trouvais ça correct, en fait. J'aimais bien l'idée, je trouvais ça rigolo. Ouais, le désert avec les petites énigmes, là... Après, c'est peut-être parce que j'étais mauvais, mais... C'est sympa, je trouve. Moi, Paper Mario 1, j'ai une petite affection pour lui. C'est clairement pas mon préféré. Je pense que... Non, je le préfère quand même à Super Paper Mario, mais... mais globalement, moi, je le trouve plutôt sympathique. Après, ça vaut clairement pas le 2 et ça vaut clairement pas Color Splash ni Origami King, c'est clair. Mais... Justement, parlant d'Origami King, ça a été pendant très longtemps, littéralement, le jeu que j'attendais le plus, en fait. Puisqu'on l'a attendu de 2016 à 2020. C'est ça, 2020, puisqu'il est sorti pendant le confinement. Oui, absolument. Ouais, donc, Donc, on l'a attendu 4 ans. Moi, je sais que à l'annonce d'Origami King, j'étais en cours. J'étais en cours à distance, parce qu'on était en pleine période Covid. Mais je pense qu'à l'annonce d'Origami King, tout le monde faisait un truc. Mais en même temps, Nintendo a sorti le trailer à 14h. A drop un truc. Ils ont fait, écoutez, on a un nouveau Mario à vous proposer là. Enfin, un nouveau Paper Mario, bisous. Ouais, salut. Dommage qu'après ils ont tout raconté dessus. Voilà. Ah oui. Mais ça, on en avait déjà parlé dans le premier épisode de Produits en Croix. On vous invite à aller le voir, tout est chapitré. Voilà, incroyable. Mais du coup, Origami King que j'ai adoré, je pense un peu comme tout le monde. Même si il a quelques défauts, le système de combat est peut-être un peu long, un petit peu long. Oui. Quand on avance, ça donne pas forcément envie, mais franchement, le jeu se défend bien. Il fait vraiment honneur à la licence. La bande son est une masterclass de bout en bout. On trouve quand même des décors qu'on n'a pas forcément vus dans les anciens. Même si, en soi, ça reste quand même assez classique. J'aime bien la période en bateau que je trouve plutôt cool. Je sais pas quel chapitre j'apprécie le plus. Le premier, je le trouve vraiment très très bien équilibré. Vraiment. Oui. Le deuxième, je le trouve un peu lent. Le premier, c'est avec la tortue. Ah ouais, c'est peut-être celui que j'aime le moins. Ah, moi, c'est celui que j'aime le plus. Je trouve que c'est le mieux rythmé de tous. Moi, je pense que le meilleur, c'est le désert. Ouais, le désert, je l'aime beaucoup. Mais c'est bien parce que. D'habitude, lorsque tu parles d'un jeu, les gens vont faire, pas l'unanimité, mais il va y avoir un consensus sur certains niveaux. Origami King, j'ai l'impression que tout le monde a un peu son niveau préféré, son niveau détesté, mais qui n'est pas pareil. Ouais, c'est ça. C'est, non, c'est vraiment un très bon jeu, on vous le recommande si vous ne l'avez pas fait, même s'il a quelques petits soucis, notamment le système de combat. Et du coup, moi je suis du coup un très très très grand fan de la licence Paper Mario. Quand je dis que vraiment j'ai poncé le 2, c'est un level où j'ai fait tous les randomizers possibles, j'ai fait le hard mode, j'ai fait le donjon de l'infini, j'ai fait l'extrême randomizer, donc avec les salles qui sont randomisées plusieurs fois. Je pense que j'ai très honnêtement quasiment tout fait sur le jeu. J'ai même essayé j'avais essayé de le speedrunner, mais j'ai pas du tout aimé. J'ai essayé de créer ma ROM hack, entre guillemets. J'avais essayé de créer mon propre texture pack. J'ai très vite abandonné le projet, parce que voilà, mais je sais pas si je pourrais retrouver des petits screens, parce que c'est vraiment vieux, ça a déjà 5-6 ans, peut-être 7. Donc, je sais pas si j'en retrouverai. Si j'en retrouve, je les afficherai à l'écran. Parce que c'était un peu marrant. Mais voilà, un jeu qui, du coup, aura vraiment. Ça a été littéralement mon premier jeu vidéo. Je m'en souviens. Ou un peu le contour du souvenir est flou. Mais je vois ma télé, ma vieille télé cathodique avec moi, manette GameCube en main, en train de jouer. Avec un écran de 36 cm. Précisément dans la plaine de Penocta, dans la plaine de Dragobé. Et d'ailleurs, jeu que quand j'étais petit, j'ai mis très longtemps à le finir, parce que je crois que j'ai mis quasiment 2 ans entiers à le terminer. Parce que mine de rien, Paper Mario 2, c'est un jeu qui est un peu difficile quand t'es petit. Où parfois il y a des boss qui sont retors. Ne serait-ce que. La zone de l'île qui peut être un peu l'île Tropatros qui est un peu pénible quand t'es petit avec l'énigme avec les deux trucs de moustache, les allers-retours, etc. Puis même toute la quête de Piantewan qui est moi je sais quand j'étais petit je la détestais, aujourd'hui j'aime juste l'idée de la quête mais en vrai un peu chiant. Mais voilà, un jeu que j'aimais beaucoup, que j'aime encore beaucoup, même si c'est plus mon Paper Mario préféré, ça reste quand même Origami King. Il a forgé toute ma jeunesse, toute ma vie. Ah, Henri Gamaking l'a dépassé. Ouais, en vrai, il est mieux, il est vachement mieux. Même si je préfère quand même le système de combat de Paper Mario 2, évidemment. Bah, aujourd'hui, si je refais le jeu, si je refais Origami King, je prends 100 fois plus de plaisir que, même si, que par exemple, quand j'ai fait ma deuxième partie de Paper Mario 2, il y a déjà 10 ans de ça, tu vois. Et bah, jeu que du coup, j'avais aussi redécouvert avec, avec El Famoso Paper Mario, la porte MDR, le 23 Lunatic, qui du coup m'a donné envie de relancer le jeu à nouveau, enfin bref, voilà. Et. Ça a aussi beaucoup aidé, cette série a aussi beaucoup aidé à cultiver bah, mon amour du jeu. Parce que le voir sous un point de vue d'un let's play alors que j'avais déjà fait le jeu, mais en même temps que je le redécouvrais parce que j'en avais pas non plus des gros souvenirs, bah, ça m'a quand même bien aidé à... Ça m'a aidé aussi à finir mon premier 100%, mine de rien. J'ai fait tomber un truc. Et tout. Mais voilà, jeu que je porte dans mon cœur et qui me suivra, je pense, jusqu'à ma mort. Et que j'ai racheté il y a déjà quelques années de ça, en boîte, en physique, pour extrêmement cher. Parce que c'est l'un des jeux les plus cotés de la GameCube, je crois. Ah, si ce n'est peut-être pas le plus, mais... Non, je pense pas. Mais clairement, un des jeux les plus galères à trouver à prix décent, on va dire. Bah c'est simple, la GameCube, tu l'achètes. Tu l'achètes déjà, la GameCube, faut la trouver à. Si tu la trouves à bon prix, tu la trouves au minimum à 60 balles. Ouais, maintenant elle coûte 60 balles. Il y a 5 ans, elle coûtait 30 balles. Ouais, mais je l'avais acheté 30-40 balles, la GameCube. Autant moi, je l'avais acheté 40, je crois. Les jeux, ça coûte un bras. Enfin, je veux dire. Les jeux coûtent, c'est même si plus un bras. Si vous avez une GameCube, vous êtes riche. Félicitations. Achetez les Sonic parce qu'ils coûtent modérément cher encore. Ouais. Oui. Absolument. La GameCube, en fait, c'est simple. Vos jeux GameCube peuvent vous servir de plan épargne logement si vous en avez besoin. Tellement, c'est vraiment cher. Je pense que il y a des copies de Paper Mario 2 en bon état qui se vendent vraiment une blinde. C'est terrible. Hein. Même ne serait-ce que le combo des trois Zelda, le pack. Combien l'avait acheté Krako? Parce que Krako l'a racheté il y a pas longtemps. Il l'avait acheté combien déjà? Il l'a acheté 150 euros, il me semble. C'est ça. Ouais, ça pique. Voilà. Il a acheté quoi? La GameCube Paper Mario 2. Oh putain. Ah, c'est. Mais. Moi, je sais que je voudrais beaucoup acheter Wind Waker, mais je crois qu'il est cher aussi. Mm-mm. Ouais, très. Très très. Mais tiens, j'aime. Voilà, moi du coup j'ai terminé avec mon Paper Mario 2. Ok, bah d'accord. Là, du coup moi je peux je peux y aller. Vas-y, tu peux y aller avec ton. Tu peux partir effectivement. Nous ne te retenons pas. Au revoir. Non plus sérieusement. Alors moi du coup le premier jeu dont j'ai un souvenir c'est parce qu'en fait moi ce qu'il faut savoir c'est que pendant très longtemps j'ai pas eu mes consoles. C'est-à-dire que la console quand j'étais petit c'était la DS. La Game Boy Advance très très vite fait mais honnêtement j'en ai aucun souvenir. Premier souvenir que j'ai c'est la DS. Que tout le monde avait et que moi j'en voulais une et mes parents voulaient pas. Ah. Du coup, au début, je jouais surtout avec les consoles de mes sœurs, du coup. Donc j'avais du coup une Game Boy et une Game Boy Color. Donc vraiment la Game Boy, le gros bloc gris. Ouais, la frigo quoi. Le fameux, le truc qui prenait 4 piles, je crois. Ouais, c'est... non, c'est ouais, pas. C'est... Si c'est 4, je crois que c'est 4. Ouais, je crois que c'est 4. Si, si c'est 4, c'est 4. Donc je me souviens que du coup, dans les premiers jeux auxquels j'ai joué à Super Mario Land. Qui est plutôt pas mal. Bon, il n'y avait aucune sauvegarde. Hein. C'était du coup. Et le jeu était super. Enfin, quand j'étais petit, le jeu était super dur. Je suppose que maintenant, je roulerai un peu dessus. Mais de souvenir, le jeu était assez dur. Voilà, j'ai joué à plein de jeux à licence pas bon. Mais le premier jeu dont je me souviens, c'était du coup sur la PS2 de ma sœur. PS2 auquel, que d'ailleurs, mes parents avaient acheté à ma sœur pour lui faire plaisir à son anniversaire. Elle n'y a jamais touché. Il n'y a que moi qui joue. Aïe. Du coup, voilà, donc c'est vraiment moi qui ai rentabilisé la PS2. Et du coup, le premier jeu auquel j'ai joué, c'est Nemo, du coup, qui est sorti sur PS2, qui était un jeu pas fameux. J'ai pas rejoué trop, mais de mémoire, c'était pas ouf. C'était un peu du Superman 64, mais sous l'eau, fallait passer dans des anneaux, c'était un peu frustrant. Effectivement. Voilà. En gros, globalement, c'était, ouais, tu refais les scènes du film, mais t'as des anneaux dans lesquels passer. Donc c'est vraiment le niveau minimum du... le niveau minimum de la créativité. Mais c'est un peu c'est un jeu qu'on pourrait trouver dans un JDG, en fait. Beaucoup de jeux à licence non, à l'époque, c'était... C'est trop chiant pour être dans un JDG. Hein. C'est... Ouais. Je sais que Makuto, on en avait discuté, il aimait bien le jeu. Moi, vraiment, je le trouve... Mais beaucoup de jeux suivaient la trame des films. Moi, j'ai eu Le Roi Lion, justement, celui du JDG, La Grande Aventure de Simba, qui suivait la trame du film. Bon, pas toujours de manière, logique. Moi, je n'ai eu aucun jeu à licence dans ma vie. J'ai eu une enfance terrible. Je sais plus si le jeu de Nemo, il allait jusqu'à remettre des bouts du film en cinématique. Je crois pas. Mais en vrai, PS2, c'est possible. Hein. Ouais, mais Le Roi Lion, c'était ça. Même. Déjà sur PS1, Le Roi Lion, c'était ça. C'était ça. Il y avait des bouts du film. C'était, sur PS2, il y avait déjà le DVD et tout. Ouais, c'était. Surtout, tu pouvais lire le DVD sur ta PS2. Après, des bons jeux à licence, ça existe. Hein. Moi, je me souviens de L'Âge de Glace 2 sur DS, qui était. Qui se défendait très bien. Bien sûr, se défendait très bien. Il y a des très bons, jeux à licence. Ouais. Les gens, c'est assez rare, mais oui, ça existe. Et du coup, le jeu dont je voudrais plus parler, parce que là, pour le coup, j'ai plus de choses à dire, c'est du coup Pokémon Rouge, qui est du coup là pour le coup. Le jeu qui m'a marqué, donc pareil, il m'appartenait pas, il appartenait à ma sœur, parce que du coup ma sœur elle a 10 ans de plus que moi, donc elle pour le coup elle a connu la Pokémania des années 99-2000, donc du coup elle m'avait, je me souviens, elle avait des tonnes de stickers qu'elle avait gardés et tout, et elle avait aussi la fameuse carte là qu'on trouve un peu partout, que tout le monde espère qu'elle va prendre de la valeur, même si elle en prend jamais. C'est la fameuse carte qu'il donnait quand elle allait voir le premier film au cinéma. Il donnait une espèce de carte Mew antique là. Oui, Mew antique, voilà. Et tout le monde prie pour qu'elle prenne de la valeur, mais bon, malheureusement, il y en a trop sur le marché, du coup, voilà. et donc voilà, du coup, c'était un peu. J'avais plein de trucs Pokémon quand j'étais petit. Je me souviens que j'avais des stickers qui maintenant doivent coûter une blinde. Et que comme un con, je les avais distribués dans mon école primaire pour me faire des amis, tu vois, j'étais en mode oh, tenez et tout. Et du coup, ma mère, la gentillesse. Et du coup ma mère elle était en mode ah mais pourquoi t'as fait ça et tout. Et du coup je me souviens que le lendemain j'avais dû aller les rechercher et tout. Et du coup il y avait certains, vu que c'était des stickers qui les avaient décollés, du coup j'avais dû les recoller à bout de scotch et tout. Ah, c'était... c'était l'anarchie. Ta mère t'a vraiment forcé à aller chercher les stickers des mains des gosses, quoi. Bah, en même temps, faut comprendre. C'est-à-dire que c'était un truc qui appartenait à ma sœur, donc... Ouais, à c'est la vrai. Base, c'est vrai que je le distribue comme ça au pif, c'était pas très sympa. Mais bon, j'avais genre 5-6 ans, donc je pense que je suis pardonné. Mais du coup, voilà, donc là, à ce moment-là, du coup, tous mes amis jouaient à Pokémon Diamant et Perle, et moi, bah, je jouais à Pokémon Rouge. Ah oui, d'accord, donc, voilà. Oui, ok, moi je pensais qu'il y avait... Ah non, c'est du coup tous mes amis, parce que Diamant et Perle est sorti 2006, je crois, 2005 2006 ou 2007, je sais plus. Je vais vérifier ça. Ou alors c'est Diamant... peut-être Platine en 2007. Diamant et Perle, 2006. Donc voilà, 2006, j'avais 4 ans, donc voilà, 4-5 ans, donc je devais être en grande section CP, quoi. Donc tous mes amis, globalement, ils jouent à Diamant et Perle, ils sont trop heureux et tout. Moi, du coup, j'ai pas de DS, la DS, je l'aurai un peu après, je l'aurai pour Pokémon Blanc, du coup, qui est sorti en 2010. Et du coup, moi, je jouais, oui, très bien. Et du coup, donc moi, je jouais à Pokémon Rouge, je me souviens que je galérais, c'était vraiment... J'étais un galérien, pourtant, Pokémon Rouge est... Si on y rejoue maintenant, il est vraiment pas très dur. Mais je me souviens que déjà, j'arrivais pas à passer le parc safari. Parce que je comprenais, j'étais perdu dans le parc safari. Et vu que le parc safari, il est obligatoire dans Rouge et Bleu. Parce qu'il faut choper la CS Surf et la dent d'or du gardien du truc pour avoir force. Du coup, j'étais bloqué. Et je me souviens que j'avais tellement galéré que tu sais, tu payes à chaque fois dans le parc safari. Du coup, j'avais plus d'argent pour rentrer dans le parc safari. Du coup, j'étais en mode mince, je suis bloqué. Du coup, j'étais allé farmer les miaous sauvages parce qu'ils font jackpot et qu'ils te donnent 50 pokédollars à chaque fois. Oh alors là là. Le truc, c'est que bon, le jeu est bien fait. Normalement, quand tu n'as plus d'argent, tu peux quand même aller dans le parc safari. Il te dit, ah bah t'as pas assez d'argent, mais tant pis, rentre quand même. Mais moi, je savais pas ça. J'avais jamais fait le test. Du coup, comme un galérien, j'étais allé chercher les miaous à faire jackpot. Comme un débile, et du coup voilà. Mais je prenais quand même beaucoup plaisir à jouer sur Rouge et Bleu, du coup. Et du coup, je me souviens que du coup, on arpentait les brocantes parce que j'essayais d'avoir toute la déclinaison. Du coup, j'avais réussi à choper rouge, j'avais réussi à choper bleu, j'avais réussi à trouver une version allemande de Pokémon jaune. Du coup, avec le fameux truc qu'on m'avait dit, non mais t'inquiète, c'est un jeu allemand, mais ta Game Boy elle est française, du coup si tu la mets dedans, ça va faire un jeu en français. Qui est vrai maintenant avec la Switch, mais qui était pas tout vrai avec la Game Boy. Oui. Du coup voilà, donc je me souviens jouer en allemand où j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe, etc. Du coup j'essayais d'identifier des bribes de scénario et tout. Mais du coup, est-ce que quand t'es parti au Japon, t'as chopé une cartouche de verre ou pas? Non, et justement, je me souviens quand j'étais petit. Non, parce que vert, ça coûte une blinde. Mais c'est vrai que je blinde, regarde la prochaine fois que je vais au Japon. Mais parce qu'en plus, vert, il y a. Parce que eux, il s'est ressorti sous forme de bleu. Donc en fait, il y a plus de rouge et bleu qui circulent au Japon que de rouge et vert, vraiment les premiers. Les versions originales, ouais. Les OG. Et du coup, ouais, jaune, j'ai pas mal joué. Et du coup, j'allais en brocante, je me souviens, avec mon père pour essayer de choper toute la collecte, du coup, d'avoir rouge, bleu, jaune. Et du coup, moi, je voulais vert parce que je pensais qu'il existait. Je ne savais pas que... Parce que toi, quand t'es enfant, t'es un peu con. Tu sais pas qu'il y a rouge et vert, c'est sorti au Japon, et que rouge et bleu, c'est le truc des Occidentaux. Toi, tu te dis, bon, il y a Dracaufeu, il y a Tortank, doit y avoir Florizarre, tu vois. Mais en vrai, c'est mais pas con. Je suis jamais tombé dessus. Et du coup, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais en fait, tu avais raison, en soi. Et quand j'étais tombé sur jaune, j'étais encore plus matrixé. J'étais en mode, mais attends, mais ils ont même fait Pikachu, ils ont forcément fait Florizarre, ils ont pas pu s'arrêter à rouge et bleu. Mais en soi, du coup, tu avais raison. Oui, j'avais raison. Mais du coup, ça m'avait. Et du coup, c'est un peu ça qui a lancé le fait que j'aille en brocante avec mon père pour aller chercher des cartes Pokémon ou après, je me suis fait une collecte. Donc, ça a un peu influencé ma vie. Et surtout le fait que la licence Pokémon, c'est une licence qui est super importante pour moi parce que, on va dire, jusqu'à mes 10 ans, je ne connaissais quasiment en licence de jeux vidéo que Pokémon et Mario. C'est tout. Ah oui. C'est-à-dire que je me souviens très bien que quand il y a eu la pub de Zelda Ocarina of Time pour 3DS à la télé, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec ce mec qui est sur son cheval. Ce mec tout vert là. Parce que je ne connaissais pas Zelda. C'est vraiment des jeux. Je ne Est-ce connaissais que du pas coup, Zelda. Est-ce que du coup tu avais fait l'erreur d'appeler Link Zelda quand t'étais petit? Ah bah ça. Mais quand j'étais petit, je ne connaissais pas. Hein, parce que la première fois que j'ai entendu parler de Zelda, j'avais 10 ans. Donc. Oui. Donc 10 ans, tu rentres. Moi je rentre au collège, tu vois. Donc. T'es petit, mais. Tu grandis et c'est vraiment le truc, c'est quand j'ai commencé après à mater des let's play sur YouTube, etc., que j'ai découvert plein d'autres licences. Mais moi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand j'étais petit, bah, je connaissais Pokémon, je connaissais Mario et ça me suffisait. Je faisais les Pokémon en boucle, je faisais les Mario en boucle. J'étais voilà, un peu quoi. Comme toi, hein. Et c'est fou de se dire que tu peux rester quand tu sors pas de ta zone de confort. Et c'est pour ça que moi. J'essaye de plus en plus de faire un maximum de jeux. Bon, ce qui fait que du coup j'ai un peu l'impression d'aller à l'abattoir et de faire ok, jeu suivant, etc. Parce que en fait. C'est le même avec la faucheuse et les portes. C'est ça. Mais du coup j'ai tellement l'impression en fait d'avoir genre. Bah toute la période où les gens, parce que je sais qu'il y a des gens déjà à 5-6 ans ils jouent à Final Fantasy, tu vois. Donc moi je savais même pas que ces jeux existaient, c'est même pas je ne savais pas qu'ils existaient. Donc ce qui est une anecdote très drôle d'ailleurs, c'est que moi jusqu'à être en 5e à peu près, je pensais que la console la plus vieille qui existait c'était la Nintendo 64. Ça c'est un truc qu'on peut trouver incroyable maintenant. Mais moi, pour moi, il n'y avait rien avant la Game Boy et la Nintendo 64. C'était le truc le plus vieux. Regardez, on a commencé par faire de la 3D. Bah oui, mais moi, je... Non, mais en vrai, quand tu Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça ne paraît pas aberrant, tu vois. Et du coup, c'est incroyable de dire ça, mais c'est en regardant JDG que j'ai appris que la NES et la Super NES, ça existait. Parce que moi, je ne savais pas. Et mes parents étaient pas trop... mon père était plus bande d'arcade et ma mère a jamais été trop jeux vidéo. Mais du coup, on n'a jamais eu de NES ou de Super NES. Et dans ma famille, on n'a jamais joué à ces consoles-là. Donc pour moi, elles n'existaient pas. Moi, le truc le plus vieux qui existait, c'était Pokémon Rouge et Pokémon Bleu et Pokémon Stadium sur Nintendo 64. J'ai eu de la chance, moi, d'avoir... Enfin, mon père avait une Atari 5200. Donc je savais qu'il y avait des consoles très vieilles. Sauf qu'il n'a jamais joué et il l'a revendu pour 20 balles. Aujourd'hui, ça coûte une blinde. Enfin, ça doit coûter si cher. C'est terrible, c'est terrible. Mais j'ai un peu le même parcours que toi, Jem. Hein. Vraiment, c'est lorsque j'ai joué à Okami que je me suis rendu compte. Bon, je le savais un peu avant, je connaissais un petit peu le jeu vidéo, mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai fait « Ok, maintenant, faut sur que eBay, je... » Sur eBay, c'est $140. Ok, maintenant faut que je découvre le monde jeu vidéo quoi. Donc j'ai acheté Rayman, j'ai acheté Zelda, j'ai acheté plein de jeux que je ne connaissais pas. Et oui, je jouais à Rayman quand j'étais petit. Je me suis mis un peu en danger et donc c'est comme ça que j'ai découvert plein de jeux quoi. Hein. Moi paradoxalement j'avais étonnamment très vite beaucoup de jeux. Parce que du coup, mon premier jeu, c'était Paper Mario 2. Je l'ai dit, j'ai eu Mario Kart Double Dash que j'ai poncé avec des potes et Sunshine que j'avais pas touché. Donc jusque-là, pour l'instant, très Mario. Mais j'ai très vite eu derrière une Nintendo DS avec Pokémon Blanc, Sonic Rush Adventure et Sonic Rush tout court. Pareil sur GameCube, j'avais eu Sonic Adventure 2. Que j'avais pas fait parce que je jouais pas beaucoup mais j'avais beaucoup de jeux. J'avais aussi du coup Rayman 3, puis après j'ai eu ma Wii avec Mario Galaxy 1, 2, plein d'autres jeux dont Okami aussi. Alors moi franchement j'ai eu la PS2 pour les jeux de course, la PSP pour les jeux de course et Monster Hunter, la DS pour Mario, et puis terminé quoi. Ouais. J'avais de temps en temps deux ou trois jeux qui sortaient de l'ordinaire, genre Professeur Layton, que pour l'anecdote j'avais même pas acheté pour moi mais pour l'anniversaire de mon père. je te jure. C'est genre de jeu. Surtout moi j'ai découvert beaucoup de jeux avec la R4. Ouais, mais moi sur ma arcade, typiquement, il y avait que des Mario, des Pokémon et des jeux à licence un peu merdiques. Ah non, moi mon père, je me souviens que le premier jeu, mais ça je vous en avais parlé quand on s'est vu en IRL, puisque j'ai retrouvé le jeu. C'était le premier jeu que j'ai eu sur ma R4, c'était Beyblade Metal Fusion, le jeu sur DS, qui était explosé parce que vraiment il était nul. Mais j'étais, quand j'étais petit, j'étais fan de Beyblade, bref. Et du coup, moi, c'était l'un de mes premiers jeux. J'avais même demandé explicitement à mon père, parce qu'on traînait sur les sites de ROM à l'époque, et il scrollait sur son vieux PC. Et je voyais, j'ai vu passer Beyblade, j'ai fait attends, remonte. Et il m'a téléchargé le jeu Beyblade. Et moi, paradoxalement, j'ai jamais eu de R4. Vraiment. Jamais. On m'a demandé, mais avec la R4, tu peux avoir tous les jeux que tu veux. Et je faisais non. M'intéresse pas. <C'est... rire> Vraiment, les jeux. C'est... Non, j'ai l'impression que tout le monde a eu la R4. Hein. Eh ben, moi, c'est pas le cas. Pourtant, j'ai joué à la R4. Hein. J'ai joué à quelques jeux sympathiques. Le cauchemar de Garfield, qui est un jeu de plateforme vraiment médiocre. les jeux Les Fous du Volant, que t'es un jeu de course que je trouve sympa, mais faut que j'y rejoue. Le jeu Ratatouille, je comprenais rien ce qu'il fallait faire. C'était terrible. Mais non, j'ai jamais eu de R4 sur ma DS. Mais j'ai eu Super Mario 64 DS, et si vous me permettez d'en parler, je vais en parler puisque c'est le deuxième jeu que j'aimerais présenter. Ok, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Super Mario 64 DS, donc, est-ce qu'il est utile de présenter Super Mario 64? Je ne pense pas. Alors, faut savoir que j'ai eu la Game Boy avec un jeu qui s'appelait Race Days, qui était un jeu dans lequel, en fait, t'avais deux jeux de course. Un jeu avec des buggy et un jeu avec des voitures radio télécommandées. J'ai eu une Game Boy Color par la suite. Et j'ai eu la DS. Et malheureusement, les parents aiment bien faire des petites cachotteries en mode... alors maintenant, tu as la DS, donc tu vas pouvoir donner la Game Boy Color à ta sœur. plutôt à ta nièce. Donc du coup j'ai fait non, je veux pas. Et mes parents m'ont fait bah t'as pas le choix. Bah j'ai fait ok, d'accord. C'est nous qui commandons, tu n'as pas le choix. Et donc du coup j'avais eu deux jeux. J'avais eu Asphalt Urban GT, encore un jeu de course que t'es pas mal. Et j'avais Nintendogs, qui un jeu je comprenais rien. Ah non, genre, moi j'étais très très fan de Nintendogs quand j'étais petit. J'ai vraiment, je comprenais rien au jeu. Moi, j'arrivais je crois pas que je l'avais, mais vraiment ça m'intéressait. Mais... J'arrivais pas à passer le tuto. Pas du tout. Ah non, moi je kiffais. Hein. Je passais ma meilleure vie sur Nintendogs. J'arrivais pas à passer le tuto. Donc ça m'a énervé, je relançais le jeu, j'arrivais pas à passer le tuto, ça m'énervait, je relançais le jeu. Et puis bah je me suis dit à un moment donné bah, ok, Asphalt Urban GT c'est bien sympa, mais bon Nintendogs j'y arrive pas, va peut-être falloir que je joue à un autre jeu. Et puis je vois, on se promène dans un magasin avec mon père et puis je vois Super Mario 64 DS. Et là il y a des souvenirs qui se réactivent parce que j'avais déjà joué à Super Mario 64 sur une Nintendo 64 chez des amis. J'avais eu l'occasion de jouer aussi à Mario Kart Double Dash, c'est là où j'ai découvert le jeu. J'ai eu l'occasion de jouer à GTA aussi, San Andreas, donc totalement autre chose. Et du coup je fais à mon père, ah je le veux. Il me fait non tu l'auras pas. C'est... Donc c'est phase de négociation, tu vois. Phase de négociation. Promets, j'aurais des bonnes notes à l'école. Alors j'avais des bonnes notes à l'école, donc ça posait pas spécialement trop de problèmes. Phase de négociation qui marche bien puisque j'arrive à avoir le jeu. Et du coup je me lance dans Super Mario 64 que je connais un peu mais sans plus quoi, parce que le jeu. Le seul truc dont je me souviens, c'était la glissade de la princesse et c'est tout, quoi. Donc, ouais. Je lance le jeu, j'avance dessus, et puis je fais le premier niveau, et j'arrive pas à battre le roi Bobomb. Vraiment, mais c'est dire à quel point je suis éclaté. Ah oui, très mauvais. Très nul. C'est dire à quel point... À 4 ans, j'y arrivais. C'est dire à quel point j'étais éclaté au sol quand je joue aux jeux vidéo. Et donc, à un moment donné, je le bats, par hasard. Et j'ai peut-être la maladie d'Alzheimer à ce moment-là, mais j'avais la merveilleuse idée, peut-être comme beaucoup d'autres personnes, de réinitialiser mes jeux lorsque j'avançais pas. Pour me dire, mais c'est pas grave, en le réinitialisant, j'arriverai à avancer. Et donc je réinitialise le jeu, j'arrive à 8 étoiles, je crois, un truc comme ça. Je crois que je libère Mario, si mes souvenirs sont bons. Mario, c'est 11. C'est 8 pour le récupérer Mario et 12 pour battre Bowser des Ténèbres. Oui, non, mais parce que moi je suis matrixé par la version 64 du coup. Oui, je sais. Ah, mais sauf que tu libères pas Mario dans la version 64. Oui. Ça serait très drôle. Tu joues un panneau depuis le début du jeu. Mais donc du coup, Chaos Edition. Et donc du coup, je relance le jeu, j'arrive devant le boss. Et je me souviens plus comment on le bat. Et je fais, mais putain, merde, quoi. Je l'ai battu une fois. Mais t'avais quel âge ? Je sais pas, mais je devais avoir pas loin de la dizaine, quoi. Hein. Ah oui, non, mais putain, grave. C'est ah, chaud, hein. Ah ouais, c'est chaud, j'ai l'air d'un con. Hein. Et puis, c'est un matin, je me lève. Et j'affronte le roi Bobomb, il est 6h30 du match, je descends avec ma console dans le salon et tout, alors que ma mère est en train de regarder une série, etc. D'habitude, j'ai pas le droit de jouer à 6h30 du mat, mais là, j'ai envie de jouer à la console. Je descends avec ma console et ma mère fait circuler, y a rien à voir. Donc je fais bah écoute, cool. Et j'arrive à rebattre le roi Bobomb. Je fais ah oh, punaise, je suis super content et tout. Ouais, super, j'ai battu le roi Bobomb, c'est trop cool. Et donc du coup, je suis super content, je vais pouvoir avancer dans le jeu, aller affronter Bowser. Et après, il découvre le roi Bomb. Je vais affronter Bowser des Ténèbres. Et il s'avère que j'arrive pas à battre Bowser des Ténèbres. Ah. Donc du coup, je vais chez un ami. Enfin, je vais chez ma sœur. Il y a un ami qui vient, qui lui est un passionné de jeux vidéo. Il avait Spirit Tracks. On jouait beaucoup à Spirit Tracks. Coucou Jem. et puis on jouait à Super Mario 64. Et il me dit, tiens, je vais te battre le boss. Et il bat le boss. Et là, je suis tout content parce que j'accède aux différents étages, tu vois. Enfin, au sous-sol. Et je fais « Ouais, regardez, je suis au sous-sol !» et tout, alors que les gens s'en battent les couilles. Hein. donc du coup j'arrive au sous-sol, je fais le niveau de la lave parce que j'aime beaucoup entendre Mario se cramer les fesses. Les Robakers aiment beaucoup aussi. C'est mon niveau préféré, la fatale. Je sais pas du tout quel serait le mien, honnêtement. C'est moi, c'est le... Mais pour une raison très simple, c'est que c'est le premier niveau quand j'étais petit où j'ai réussi à faire toutes les étoiles. Ah ouais. Ah. Je pense que c'est la forteresse du deuxième monde, pour le coup. C'est, moi j'aime bien le manoir de Big Boo. Et bah justement, le manoir de Big Boo, j'y viens. Parce que j'arrive. Enfin. Alors je sais plus comment s'organisent les événements, mais en gros. On est un matin. Il y a un orage terrible. Je suis en vacances chez mes grands-parents qui sont maraîchers. Et je joue dans le camion pendant qu'il y a l'orage et je fais Buzzer des laves que j'atteins pour la première fois. Donc je m'acharne pendant 2h30 sur Buzzer des laves. Et donc je suis dans le camion tout seul alors que mes parents et ma grand-mère et mon grand-père sont sous la flotte, terrible. Et du coup j'arrive à battre Buzzer des laves au bout de 2h30 et là je fais à ma mère: ouais, j'ai battu Buzzer des laves. Ma mère, elle fait: c'est bien, mais là on est trempé, là on va y aller, hein. On a tous eu oui oui. Pareil, quand j'avais montré à ma mère que j'avais chopé un shiny sur Pokémon XY, elle voyait que j'étais comme un fou, les couilles. C'est ça. Et donc du coup j'arrive à battre Buzzer des laves, mais il y a une interrogation qui me pose, c'est que j'avance plutôt bien dans le jeu, mais je me dis: attends, il y a niveau 9, niveau 11, mais il est où le niveau 10? Parce que je n'arrivais pas à trouver le niveau 10. Ah, tu trouvais pas Manor de Big Book. Je trouvais pas le royaume des neiges. Non, c'est le royaume des neiges. Je trouvais pas le royaume des neiges. Putain, oui. Et puis il y avait un autre truc, c'est il y a j'ai Mario. Mais pas sur Luigi. sur la boîte, il y a Luigi et Wario. Et il y a un personnage que je connais pas en jaune, là il y a son tableau de l'autre côté, je fais comment pour y accéder? Et donc je lis un peu le manuel et je vois qu'il faut Luigi. Le problème, c'est comment on fait pour avoir Luigi? Comment on trouve Luigi? Et c'est par hasard, en promenant dans le manoir du Big Boo, que je trouve le tableau de Luigi. Je rentre dedans. Et faut savoir que j'avais eu un traumatisme quelques semaines plus tôt, puisque j'avais affronté le Tigrex dans Monster Hunter Freedom 2, qui m'avait effrayé comme c'était pas permis. Et j'avais plus touché à Monster Hunter pendant 6 mois, tellement j'avais peur. Et j'affronte le Roi Boo, et le Roi Boo me défonce. Et là, je ferme la console, je fais: je joue plus pendant 6 mois. C'était le truc pour libérer Luigi, du coup. Ouais, c'est ça, c'est le truc pour libérer Luigi. Mais tu sais, t'as le rire lorsque tu l'entends et tout. Ça te fait peur. Pour le coup, c'est réellement Roi Boo, c'est pas Big Boo, je crois. Il y a un moyen trop bizarre de. Le combat se lance trop bizarrement parce qu'il faut faire un espèce de zoom chelou sur le miroir. Ouais. Faut juste bien se placer par rapport au miroir, en fait. Faut faire pareil dans Last Impact. Un niveau similaire dans Last Impact. D'ailleurs, dont la musique de boss, c'est Megalovania. Voilà. Kazé Manuar qui adore Undertale, bien évidemment. Mais il y a un combat de boss qui est littéralement le même, en fait. Et qui est complètement buggé pour le lancer. En fait, faut être juste placé vraiment au bon endroit. Et des fois, ça se lance, des fois, ça se lance pas. Tu sais pas pourquoi. Mais bref, je suis coincé. Alors, heureusement, j'ai d'autres jeux. Je crois que je dois avoir Mario & Luigi 2 à l'époque. Je dois avoir. Il est con. Très fort. Je dois avoir Mario Party. Je dois avoir d'autres. Je dois avoir d'autres jeux dans. J'ai mes jeux de course aussi, donc ça va, je peux tenir. Mais voilà, je j'arrive pas à affronter. Enfin, je me dis mince, comment je vais faire? Et puis finalement, j'arrive à battre le Roi Boo, récupérer Luigi, mais je trouve toujours pas le monde 10, donc je suis énervé. Et puis à un moment donné, je crois que c'est en allant en ligne où je vois un mec atterrir dans un mur et je fais: ah ouais, c'est là-dedans, mais il aurait pu mettre une indication et tout. Tu vois, l'indication, elle est dans le miroir, en fait. Oui, elle est dans le miroir où il y a un tableau avec de la neige. Mais quand t'es petit, quand t'as 10 ans, les notions de game design, level design et tout, bon. Moi, je sais pas. Et petit, je fonçais dans tous les murs du monde. Du coup, au bout d'un moment, ça a fini par marcher. Tu vois le mur trembler. C'est exactement pareil que le niveau des sables. Non, mais sur, ouais, mais le niveau des sables, tu remarqueras, la couleur du mur est différente. Elle est légèrement différente. Elle est légèrement bleutée, mais pas sur 64. C'est et alors que sur DS, il y a aucune différence entre un mur classique et un tableau du Royaume des Neiges. Enfin bref, j'arrive enfin à obtenir Luigi, Wario, les 70 étoiles, blablabla. J'affronte Bowser. Je mets à peu près 4h30 pour battre Bowser. Et c'est la fin de Super Mario 64. Je l'ai même DS, je l'ai pas fini à 100%. Je le finirai à 100% plus tard. Et j'ai mis au total 3 ans pour finir le jeu à 100%. J'ai fait les mini-jeux en boucle, le mini-jeu du croupier, le mini-jeu du casino, le mini-jeu des boues, le mini-jeu du trampoline. Qui était mieux que sur New Super Mario Bros. T'avais un peu les mêmes, mais t'en avais ajouté sur 64 DS. Je me souviens du mini-jeu avec les Mario que tu faisais rebondir sur des trampolines. Oui, justement, je viens d'en parler au niveau des trampolines et tout. Qui était trop bien, c'était trop le feu ce jeu. Moi, je m'amusais dans la cour de récré parce que c'était moi un peu le king des mini-jeux. On voyait qui avait le meilleur high score et tout. Moi, je me souviens que j'avais reçu la DS à Noël et que j'avais. J'avais New Super Mario Bros. Du coup, dessus. Et il y a le mini-jeu, vous savez, avec les bonbons où il faut souffler parce qu'on sont en parachute. Oui. Et du coup, j'avais montré à mes parents parce que moi, j'étais matrixé, j'étais en mode, mais c'est incroyable. C'est le jeu, il détecte que tu souffles. C'est le futur. Alors que ça existe depuis la NES, vu que ça existait déjà. Sur Famicom, ouais. Ouais, c'est ça, ça existe. Oui, pas sur NES, sur Famicom. C'est la deuxième manette, la manette du port 2. La fameuse anecdote pour tuer des ennemis sur Zelda. Oui, il fallait hurler, je crois, ou un truc comme ça. Justement, ton anecdote sur Mario 64 m'a rappelé une autre anecdote, moi, sur Mario 64 DS. C'est que pareil, mais moi du coup pour le coup en fait on ne comprenait pas. C'est-à-dire que la première étoile de Big Boo, moi j'ai jamais compris comment elle marchait. Moi non plus. C'est avec les let's play, moi. Faut tuer tous les. Ouais mais moi je regardais pas encore le let's play. Moi non plus. Et du coup je me souviens que du coup j'avais cherché. Une fois en me baladant dans le niveau, j'avais réussi à le faire apparaître par erreur. Et j'étais mort forcément. Oui, évidemment. J'arrive à faire un truc évidemment. Que t'arrives à faire et du coup forcément tu meurs. Et après j'avais jamais retrouvé comment faire. Et du coup nous on avait un espèce de... on n'avait jamais vu qu'on pouvait débloquer Luigi. Et c'était en 2000... Ça devait être en 2008-2009. Donc bon, on regardait pas trop internet et tout. Et je me souviens que du coup il y avait un mythe. Je m'en souviens très bien parce que c'est... Oh attends, est-ce que tu vas parler de ce que je pense? A posteriori... Non, parce que pour le coup c'est un mythe. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai été petit, ça a duré jusqu'à la sixième, je pense, j'avais tendance à par mal genre inventer des histoires pour faire un peu mon intéressant et tout. Et du coup, vu que forcément... Il a raconté sa propre histoire. Avec un pote, on n'arrivait pas à trouver où étaient Luigi et Wario, tu vois, alors qu'on savait qu'ils étaient dans le jeu, vu qu'ils étaient dans la cinématique d'intro et sur la boîte. Du coup, on était en mode, on s'était mis à inventer des trucs. Et du coup, il y a eu la fameuse truc de la râpe à fromage. Alors, qu'est-ce que c'est que la râpe à fromage? C'est qu'en fait, alors c'est un truc très précis. C'est-à-dire que, je crois que sur 64, ça marche pas aussi bien que sur DS. Mais en gros, dans le volcan du niveau avec la lave, vous savez, il y a un bout de mur qui t'écrase. Oui. Et nous... Pour nous, c'était une râpe à fromage. Et du coup, mais pour tout le monde, j'étais allé raconter, je me souviens très bien, c'était à la cantine, j'étais allé raconter que, en fait, si tu te plaçais sur un certain angle sur la râpe à fromage, en fait, vu que le mur, en fait, quand ça descend, du coup, le mur devient noir. Je disais qu'en fait, si tu te mettais dans un certain angle sur la râpe à fromage, la râpe à fromage allait te faire rentrer dans le mur. Et du coup, derrière, il y avait une pièce secrète et tout. Et du coup, ça te permettait de débloquer Luigi et tout. Les backrooms, ton bordel. C'est ça. Et du coup, j'étais en mode... Et je sais pas pourquoi j'ai pris cet élément précis. Je suppose que, je sais pas, il m'avait marqué. Et du coup, c'est un truc... À chaque fois, du coup, je vois cet élément. Pour moi, c'est une râpe à fromage. Alors que ça ressemble même pas beaucoup à une râpe à fromage, en vrai. Mais voilà, et du coup je me souviendrai toujours de ce truc où j'étais en mode, parce qu'en plus le manoir du Big Boo pour le coup c'est vraiment un manoir c'est vraiment un niveau que je trouve compliqué à comprendre parce que genre tu peux faire aucune étoile si t'as pas fait la première, quasiment. Ouais. Bah ouais parce que t'as pas accès à l'étoile 2, parce qu'il faut avoir fait la première, Tu peux faire les pièces rouges. Et encore, faut réussir à monter. Ouais, mais c'est ça. Quand avec un triple saut, ouais, tu peux. Quand t'es... Oui, mais quand t'es petit, tu sais pas faire le triple saut. Alors si, justement. Moi, justement, comme je disais, j'avais pas réussi à tuer Big Boo. Sauf que moi, c'était la période où je regardais des let's play et je regardais, déjà la team Miel à l'époque, aujourd'hui Ocarina Knight, et je regardais leur let's play sur Mario 64, ça devait être multiple. C'était au moins en 2012, parce qu'ils ont commencé en 2012. Ouais, à peu près. Moi, du coup, je regardais leur let's play sur Mario 64, alors je sais plus si c'est multiplayer ou si c'est du coup le premier. Il me semble que c'est le premier. Et puis, arrivé à Manoir de Big Boo, en fait, y avait Milu qui montrait justement qu'on pouvait monter sans Big Boo, sans l'escalier. Oh. Et moi, je m'amusais, alors même si c'était sur DS et que eux étaient sur 64, je m'amusais à faire le truc. Et du coup, j'avais trouvé comme ça, je montais plus que comme ça. Du coup, je crânais un peu dans les cours de récré, en mode ouais, moi je sais monter sans Big Boo, alors que tout le monde s'en battait les couilles, puisque le jeu avait déjà plus de 5 ans, donc tout le monde s'en foutait. Pokémon Noir. les gens étaient sur Noir 2, moi j'étais en mode je joue à Mario 64 DS, et j'étais en mode moi je l'ai fini il y a 3 ans, bien. dernière anecdote, j'ai fini le jeu en 3 ans, aujourd'hui je finis le jeu en à peu près 10 heures sans me presser, vraiment. C'est vraiment si je joue mal en jouant à 10 heures. Je pense que je dois faire le 100%. Je sais pas. 100% qui est pas facile en vrai, parce qu'il y a des étoiles qui sont vraiment bien cachées par rapport à la version. Il y a l'étoile des lapins d'argent de merde. Oui, mais ça, pour le coup, quand j'étais petit, je l'avais chopé. Parce que ça, juste en fait, c'est une étoile qui est plus faite pour les enfants, j'ai l'impression. Parce que, en fait, quand t'es un enfant, tu vas te balader dans tous les sens, tu sais pas trop quoi faire. Juste, ça t'amuse de te balader dans le château. Et du coup, tu vas tomber sur des lapins. Alors que forcément, toi, en tant qu'adulte, t'es en mode. Je dois optimiser ça, du coup. C'était même pas de l'optimisation, c'était du random, je crois. Ouais, c'est vraiment. C'est random, fallait. Optimiser le truc en ouvrant la porte. Je crois qu'il faut ouvrir la porte du premier étage. C'était la meilleure façon de la voir. Mais quand t'es petit, tu te balades, du coup, forcément, au bout d'un moment, tu tombes sur les. Tu tombes sur les lapins d'argent. Moi, cette étoile, j'ai jamais eu. J'ai un peu de l'affection pour elle. Elle m'a jamais agacé. Par contre, l'étoile. Parce que du coup, la première fois que j'ai fini le jeu à 100%, l'étoile de genre, vous savez, faut rentrer dans le miroir et faut ouvrir la porte. Ah oui, il faut ouvrir la porte au fond. C'est hyper contre-intuitif. Hein. Non, parce que. Enfin, je dis non, mais parce que pour moi, c'était logique. Mais en fait, moi, je me disais que. En fait, ça allait emmener à une version miroir du château. Genre complète. Moi, je pense que le premier truc que j'ai fait lorsque j'ai traversé le miroir, c'est aller à la porte. Vraiment, je me suis pas posé de questions. En fait, moi, je me suis dit, il y a un miroir. C'est le tableau de Wario, genre. Je me suis dit, je vais aller tout droit. Et je suis allé tout droit, j'ai trouvé une étoile, j'ai fait « Ah, une étoile, cool !» Moi, c'était un ami qui m'avait raconté qu'en fait, derrière, parce que lui n'avait pas l'étoile, enfin, n'avait pas réussi à prendre l'étoile parce qu'il n'avait pas Luigi, et il m'a dit, alors j'ai vu... Il n'y aura pas fromage. J'ai vu, un peu la même idée, tu vois, mais lui m'avait dit, en fait, derrière le miroir, il avait lu ça sur Internet, il m'a dit « Derrière le miroir, tu vois, il y a une porte !» Et puis tu sais, il monte sur sa console, et je fais « Oui, il y a une porte, oui, je sais !» Et il me dit, en fait, derrière, apparemment, il y a tout le château, mais à l'envers. Genre comme dans Mario Kart, les courses, elles sont en miroir. C'est Symphony of the Night, incroyable. Et en fait, mais nous, vous savez, il y a les quatre portes avec Mario, Luigi, Wario, et du coup, une porte vide avec derrière une étoile. Tout le monde pensait que derrière la porte vide, il y avait Waluigi, El Famoso. Mais nous, on pensait qu'il était dans le château en miroir. Vraiment, j'ai jamais cru. Dur comme fer. C'est les seuls c'est le seul truc un peu caché que j'arrivais à faire. Du coup, moi, j'étais en mode Okay, non, mais parce que moi, en fait, je suis tombé sur cette vidéo, sur une vieille vidéo à l'époque où justement il y avait un mec qui jouait Waluigi. Mais qui était un mod, mais nous on savait pas, on voyait Waluigi, on faisait il est dans le jeu. Et justement, en fait, mon pote m'avait montré cette vidéo, parce que lui avait accès à internet, pas moi à l'époque. Et il me montre cette vidéo et derrière il me dit mais en fait regarde tu vois il l'a débloqué parce qu'en fait c'était marqué enfin lui il avait vu ça sur internet que dans le miroir en fait il y avait le château inversé et tout. Je viens de penser à un truc mais et imaginez ça fou. Imaginez les... fromage, hein. Imaginez aujourd'hui les jeunes enfants qui découvrent les jeux vidéo genre Mario Kart 8 Deluxe et qui voient oh regardez il y a Kirby dans Mario Kart 8 oui, Deluxe mais justement ça marche plus parce que je pense qu'on est la dernière génération où c'est on vrai. A enfin nous peut-être moins de GG mais nous avec Nechiku on était encore une génération où t'avais internet y allait encore pas trop tu vois. Là ouais. Maintenant, les enfants, ils sont biberonnés aux réseaux sociaux. En vrai, donc, premier réflexe qu'ils ont, c'est taper machin Solus, tu vois. En vrai, le royaume des neiges, je l'ai découvert dans des vidéos sur YouTube. Ah bon, c'était Google Vidéo, je crois, à l'époque. Oui, mais à quel âge j'avais 10 ans, 10-11 ans. Parce que c'était. Ouais, mais tu vois, déjà 10 ouais, ans. Ouais, non, mais, ce que... non, mais ans, c'était pour revenir. Plus, c'était pour revenir si sur le royaume des neiges. C'était pour revenir sur le Royaume des Neiges qui était un peu mythique, tu vois, et je me disais, oh, mais il a l'air trop bien à ce niveau, mais comment on fait pour y accéder? Enfin, bref, voilà. Oh, il a pas l'air trop bien du tout. Mais il est cool, le Royaume des Neiges, moi je l'aime bien. C'est vraiment un des pires niveaux. Ah, moi je l'aime bien, moi je trouve très cool. Non, moi le Royaume des Neiges, jamais pas du tout. Ah non, non, c'est vrai. En fait, c'est vraiment la montagne de la glace qui est déjà pas un niveau ouf. Voilà, j'étais tombé sur cette vidéo. Alors, je pense que je la mettrai en fiche ou dans la description, mais j'étais tombé sur cette vidéo. Quand j'étais petit. Et en plus, c'est pas dans cette vidéo. Par contre, ça, c'est un truc qui nous trigger aussi. Mais tu sais, t'as des trucs qui te trigger. Mais tu sais, dans le jardin des bouts, le oui. fameux, l'espèce d'encoche qui est au-dessus de la porte. Ouais, ouais, je n'ai jamais compris. Mais il y a un lapin, il me semble. Oui, il y a un lapin. Oui, il y a un lapin. Mais du coup, c'est un lapin pour Luigi. Sauf que nous, on n'avait pas Luigi. Du coup, forcément, tu fais des théories de ouf. C'est trop bizarre, il y a juste une encoche. Mais elle est pas là sur 64 aussi. Si, mais elle est trop haute, il me semble. Du coup, tu peux pas y aller. Mais non, parce que pour le coup, sur DS, c'est facile d'y aller. Même quand tu maîtrises pas le jeu. Cessons de parler de Mario 64 hein, et parlons encore de Mario avec GG. Oui. Encore. Bah, moi, du coup. Ça, il faut avancer là. On dit. Là, ça va. On est à 1h18, moi, j'ai. Donc ça ouais, va. Voilà, c'est d'habitude, hein, on fait 3 heures. Habituel. Pas, mais moi, du coup, dernier petit truc que j'aimerais raconter. J'ai donc joué à Paper Mario 2, après j'ai eu plein de jeux, et j'ai évoqué un jeu que j'avais eu, qui était donc du coup Mario Galaxy 1 et 2. J'ai eu le 2 avant le 1, parce que je ne sais plus. Mais du coup, j'avais eu ma Wii et j'avais eu Mario Galaxy 2, offert encore par mon parrain. Et il faut savoir que c'est vraiment l'un des premiers jeux où c'est le fameux jeu où tu sais tu le lances l'après-midi et tu es happé et tu ne vas pas manger. C'est-à-dire tu ne manges pas, tu es en mode je veux continuer le jeu. Et moi je me rappelle que c'était la première nuit où j'étais encore assez jeune donc je me suis couché à 22h alors que normalement je devais me coucher à 20h30, 21h. Que j'étais un thug là life. Là, le thug. J'étais un thug life. Mais c'était du coup Mario Galaxy 2 que j'avais adoré à l'époque et qu'aujourd'hui j'aime encore beaucoup. Même si il n'a pas l'observatoire, il n'a pas Harmonie. Mais moi, quand j'étais petit, paradoxalement, j'avais plus d'affection. Alors je pense que c'est juste parce que j'avais fait le 2 avant le 1. J'avais plus d'affection pour Luba que pour Harmonie quand j'ai découvert Mario Galaxy 1. C'est factuellement faux. mais moi je préférais Luba à Harmonie. Mais aujourd'hui c'est bien évidemment plus le cas. J'adore Harmonie et Luba. Bon voilà, bref. Bah Luba et qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs Luba? Bah, il y a Pôle emploi non? Rien. Luba Marsupilami. Mais du coup, ouais, Mario Galaxy 2 que j'ai adoré quand j'étais petit. Je me souviens, c'était pas le premier jeu où je faisais où il y avait Yoshi parce que j'avais fait 64 DS et Mario Bros. Wii, du Super Mario Bros. Wii. Mais c'était le premier jeu où vraiment où j'aimais vraiment jouer avec Yoshi et tout. À un tel point où j'essayais de faire les niveaux où il y avait Yoshi J'essaie de le garder le plus longtemps possible et tout, jusqu'à ce que, quitte à faire certaines étoiles avec Yoshi, alors qu'on n'est pas censé faire un peu du caca avec le jeu. C'est aussi le premier jeu où j'ai appris à faire des bugs, parce que c'était pas Mario 64, c'était celui-là du coup, avec le fameux le saut infini avec Yoshi, où au pic du saut, on fait en sorte que Yoshi s'accroupisse en l'air, on le relève et après il peut refaire son battement de pied et continuer à s'envoler. Il peut s'envoler jusqu'à très très haut. Et il y avait un bug qui était justement, tu pouvais aller du vaisseau Toad autour du vaisseau Mario, là, la tête de Mario. Pareil, ça, quand j'étais petit, la tête de Mario en tant que vaisseau, ça me faisait exploser de rire. Bon, aujourd'hui, je trouve que ça te faisait peur. Non, moi, ça me faisait marrer. Mais parce que, en fait, moi, j'aimais bien parce que c'était un hommage à Mario 64. Et je trouvais ça rigolo en mode j'aime bien l'idée, je trouvais que ça. J'imagine, putain, le vieux hipster qui est en mode c'est un hommage. Quand j'étais petit, j'étais en mode. Non, moi, je trouvais ça rigolo et puis j'aimais bien. Et puis du coup, je m'étais entraîné à faire le bug pour voler à l'infini avec. Mais du coup, il est dur. Il est dur ce bug ou pas? Maintenant, aujourd'hui, je pense que je sais encore le faire. Il est un peu dur parce qu'il est assez précis, mais à l'époque, pour le coup, je le maîtrisais vraiment bien. Genre, j'arrivais vraiment à le faire régulièrement de manière consistante. J'étais meilleur speedrunner de Mario Galaxy 2 à l'époque que maintenant. C'est terrible. Mais c'est là aussi l'un des premiers jeux. Bah, du coup, j'essayais de faire les étoiles vite. Surtout les étoiles où c'était chronométré. Avec je crois que c'était les comètes. Ça devait être les comètes jaunes. Comètes rouges. Les comètes chronométrées. Ouais, comètes rouges. Oui. Jaune, c'est le truc qui est accéléré. Deux fois plus rapide, ouais. C'est ça. Oui. Les niveaux que je détestais d'ailleurs, puis je me souviens du coup, vu que je faisais, non, j'avais pires, fait c'est Mario. C'est les violettes, elles faisaient trop peur. Moi j'avais oui, trop mais peur. Mais les violettes c'est juste nul. C'est les pièces violettes. Non, ah non. Ah, tu parles des bleus foncés du coup, Jem. Putain, avec là, les. Il y a le nom qui est écrit, donc je devrais pas. C'est comète. Je sais plus. C'est simple, c'est la comète avec Mario le double. C'est ça. Oui. Oui, c'est les bleus alors. C'est les bleus, d'accord. Mais moi du coup, j'aimais bien du coup faire ces comètes le plus rapidement possible. Alors je me rappelle plus de mes temps, mais pareil, c'était encore des jeux dans la cour de récré en mode qui sera le plus rapide. Enfin, bref. Et vu que j'avais fait Mario 64 DS un peu avant, et bah du coup retrouver. Womb's Fortress dans le dernier monde là, enfin l'avant-dernier, parce que tu vois il y a le monde S. Moi je trouvais ça juste cool et c'était l'un de mes niveaux préférés de Mario Galaxy 2. Bon, objectivement il y a mieux, hein, on ne va pas mentir. Mais c'était un de mes niveaux préférés avec aussi le niveau de Bowser, le tout dernier, la fabrique de galaxies de Bowser il me semble. Parce que c'est là où j'ai eu l'un de mes premiers coup de cœur musical vidéoludique, c'est super précis. Oh. Mais le thème de la fabrique de Galaxy, je l'adorais. C'est l'une des. Alors, c'était, pour l'anecdote, l'une de. Quand j'ai eu mon premier téléphone portable, c'était ma sonnerie à l'époque. Parce que j'adorais cette musique et même encore aujourd'hui, je l'aime beaucoup et je la trouve incroyable. Mais l'un de mes souvenirs les plus. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est triste ou si c'est marrant. Quand je faisais le monde S sur Mario Galaxy 2. Monde S qui est une absurdité de difficulté. Quand t'es gamin, je comprends pas à quel point Nintendo s'est dit que c'était une bonne idée. Je pense que c'est un peu pareil pour le comment il s'appelle en français ? La face très très sombre ? Je sais pas dans. Ah oui, le Darker Side. The Darker Side, ouais. Je sais pas comment elle s'appelle en français. Mais ouais, c'est ça, face très sombre de la lune, je crois, ou un truc comme ça. Mais du coup, pareil, quand t'es un boss... Il est absurdément dur. Hein. C'est ça, déjà, tu galères... Étonnamment, moi, je sais que les gens, ce qui les ont plus traumatisés sur Mario Odyssey, c'est plus le scooter, le truc du scooter sans scooter, que moi, j'ai pas trouvé si dur que ça. Non, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le citent en mode « Waouh, c'était trop dur et tout ». Moi, je trouvais ça ok. Mais ouais, le Darker Side, je pense que quand t'es un enfant, tu dois en chies, hein, clairement. Galérer. Mais... je sais pas à quel point Mario Odyssey pour un enfant c'est dur. Parce que je connais pas d'enfants qui ont grandi avec Mario Odyssey. Moi non plus. Du coup, je sais pas. C'est vrai que vu sous cet angle. Non, mais après, il y a le fait de ne pas avoir de game over déjà qui, je pense, souvent. Ouais, qui est bien. Parce que moi, je me souviens avoir pour faire le tout dernier niveau de Mario Galaxy 2. Qui est l'ultime défi, je crois. Non, l'ultime défi, c'est 3D World. La route du champion, je crois. C'est la route de l'ultime défi. Je sais plus. Si, c'est ça, c'est la route de l'ultime défi. La route du champion ultime de la mort. Non, mais vraiment, je sais plus. Parce que non, la route de l'ultime défi, c'est 3D World. Du et destin. Du coup, Mario Galaxy 2, dernier niveau. Je sais plus. C'est terrible. Alors évidemment, il y a des let's play de Tiffano, mais moi, je me souviens avoir farmé les vies comme jamais dans le trophée des virtuoses, voilà. Ah, trophée des virtuoses. En plus, je trouvais le nom trop stylé. C'était impossible à deviner. C'était terrible. Mais je me souviens avoir farmé les vies dans le niveau où tu faisais du bowling avec Mario Caillou. Ah, oui. Tu gagnais plein de fragments d'étoiles et tu gagnais plein de vies. Et je me souviens avoir trouvé cette astuce pour avoir des vies moi-même. Et du coup, c'était moi qui l'avais partagé dans la cour de récré. 5€ l'astuce, très, très 5€. Non, je l'ai donné gratos. J'étais pas comme ça. Ah, mec, si tu veux savoir un truc, y a un prochain invité dans Trace qui faisait vraiment ça. Genre, il était très jeune et il avait accès à un ordinateur, ce que les autres n'avaient pas, donc il vendait ses solus dans la cour de récré. Oh là là. C'était incroyable. Ça va, c'était pas Real Myope, du coup, vu qu'il est déjà sorti au moment où... Non, c'est pas lui, du coup. Mais moi, j'ai une anecdote à raconter sur Mario Galaxy. Pour le coup, le 1, je vais aller 1. Assez vite. Donc, j'ai eu la Wii, j'ai eu Mario Kart Wii avec, mais j'avais pas d'autres jeux. Et il y a un jeu que j'adorais, c'était Super Mario Galaxy. J'avais vu les let's play sur jeuxvideo.com, pas les let's play, les vidéos tests, un paquet de fois. Je rêvais de ce jeu. Et un jour, mon père vient me chercher des cours, je suis collège, hein, et il me dit: j'ai une surprise pour toi. Et je vois que c'est un jeu. Et je vois que la forme de la jaquette, c'est un jeu. Oui. Donc je me dis, mais c'est trop bien, je vais enfin pouvoir jouer à Mario Galaxy super longtemps. Et donc il me dit, attends à la maison. Vacances. Attends à la maison pour l'ouvrir. Et donc j'attends la maison, j'ouvre le sac et je fais, merci, c'était Wii Sports. Oh, ça va. Attends, mais il a acheté le Wii Sports séparément. Personne n'a jamais fait ça. Tout le monde avait la petite pochette. Et non, moi j'avais la pochette Mario Kart Wii. Non, par contre, avec le WiiWare. Moi, je me souviens d'une anecdote sur Mario Galaxy 2. C'était le jeu était fourni avec un CD de tutoriel. Oui, absolument. Et je me souviens avoir maté ce DVD, ce CD, peut-être des dizaines, des vingtaines de fois, parce qu'il y avait plein d'astuces et tout. Et j'aimais juste regarder le truc sur la télé du salon. Et je sais pas pourquoi. Je n'ai plus de souvenir de pourquoi j'aimais bien, mais j'étais comme un dingue. À chaque fois que je regardais le truc, j'étais trop content. c'est un souvenir débile, mais moi, ça me... L'anecdote qui me fait marrer sur Mario Galaxy. Et autre anecdote, j'ai Mario Galaxy que j'ai poncé 6 fois. Et j'ai Mario Galaxy 2 qui est encore sous blister. Mais t'y as pas joué ? Bah non, à l'époque, lorsque le jeu est sorti en 2010, j'avais vu tellement de let's play que j'ai fait... que j'avais plus envie d'y jouer, quoi, tu vois. Mais j'ai acheté le jeu parce que je me suis dit... À un moment donné, je me suis convaincu de le faire. Et je l'ai toujours pas fait. Il est toujours sous blister là, au côté de. Le jeu est sympathique, mais je trouve que ça. Au côté de Shin Megami Tensei 5 et Fire Emblem Echoes of Valencia ou un truc dans le genre sur 3DS. Fire Emblem Echoes Shadow of Valencia. Oui, mais je sais plus. C'est le remake du 2. C'est vrai ? Oui. Incroyable, je ne savais pas. D'accord. Je crois que c'est le 2. Hein. C'est le remake d'un qui est sorti il y a longtemps, mais je sais pas. Ok, je l'ignore, je viens de l'apprendre. Mais donc voilà, Mario Galaxy, ouais, j'ai kiffé le jeu en long, en large, en travers. Et encore aujourd'hui, c'est un classique du jeu vidéo, quoi qu'on en dise. Ah bah oui, mais ça c'est sûr. Vraiment, c'est... Mais le jeu a été plus vendu que Mario 64. Hein. Ah putain! C'est pour vous dire. 13 millions d'exemplaires contre 12 millions pour Mario 64. Oui, mais en même temps, la Wii, c'est la Wii est, mieux ouais, vendu voilà. que la 64. Donc, le parc de consoles, effectivement, c'est 3 fois plus vendu sur la Wii que sur la N64. N64, il s'est vendu qu'à 32 millions d'exemplaires, hein. Mine de rien. c'est plus de 2 fois la Wii U. C'est ça, c'est Fire Emblem Ecos, c'est un remake de Fire Emblem Gaiden Shadows of Valentia. Donc, quand on dit que la Wii U a été un échec... Voilà, c'est pas pour rien. Ouais. On rappelle la vidéo de Cyprien qui a fait quasiment 2 fois plus de vues que la Wii U, que la vente de la Wii U. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est 26 millions de vues et la Wii U, c'est 14 millions de ventes. Ouais, c'est 13 millions. Non, dans le monde. Oui, dans le monde. Oui, c'est terrible. C'est 13 500 000, je crois. Oui, 14 millions en France, ça serait honorable. Ah, bah, ce serait même plus qu'honorable. Je pense que ce serait un record, mais. Ouais. Probablement. Ah, je pense. Hein. Bon, moi je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus d'anecdotes. Bien, c'est Jem Gina. J'ai prévu de discuter d'un jeu, non, globalement. Si, il y a Marlo Slam Basketball que j'avais sur RK. Ah ouais! Il est super. Oh, il est trop bien. Faut que je le fasse. Une petite pépite. Et on rappelle que c'est probablement l'un des jeux qui a le meilleur thème pour Bowser Jr. Je ne sais. Jusqu'à ma mort, je ne cesserai de dire que le thème de Junior Park est incroyable. Il est vraiment très cool. Il est vraiment très bien. Globalement, il y a Mario. Je crois que c'est le seul jeu. C'est un des seuls jeux Mario fait par Square Enix. Oui. Bah il y a aussi Mario. Super Mario RPG effectivement. Non, il y a Mario Square. Sport Mix sur Wii aussi. Oui. Aussi. Et du coup, oui, Mario RPG Legend of Zelda. Mais du coup, Mario Slam Basketball, qui est vraiment un très bon jeu. Je me souviens du coup le ninja qui vient de la série Final Fantasy. Qui est Je jouais Mage Blanc. La première rencontre avec la saga Final Fantasy, c'est le ninja de Mario Slam Basketball. Et le Behemoth. Moi, je le trouvais trop classe. Mais d'ailleurs, les persos de Final Fantasy étaient absolument pétés dans Mario Sport Mix et Mario Slam Basketball. Le ninja était trop fort. Le ninja était trop fort. Mage Blanc était une dinguerie en dodgeball sur Mario Sport Mix. L'expert parle. Mais pareil, Mage Noir était super fort. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais, ah, ça fait partie de ces jeux qu'il faut que je fasse. Comme plein Mario d'autres. Slam J'en entends que du bien, vraiment. Ouais, j'en non, honnêtement, bien, bah, c'est Square Enix, donc oui. C'est très difficile de c'est faire pas, un ouais. mauvais jeu. Mais après, est-ce qu'il y a un autre jeu que je voudrais parler que j'ai fait quand j'étais petit? Globalement, non. Bah, à part rappeler que du coup, ouais, moi, les Let's Play, ça a vraiment été le moment où j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres jeux. C'est fou la quantité de licences que j'ai découvert avec les Ocarina Knight, Spyro, Zelda. Bah, rien que Zelda, ouais. Ouais, Zelda, du coup, où il y a mes deux jeux préférés, du coup, Ocarina of Time et Majora's Mask. Quel j'ai joué assez tard, parce que du coup, j'ai joué... Bah, t'as fait les versions 3DS, toi? J'ai fait les versions 3DS, exactement. Du coup, c'est vrai, c'est des jeux de l'enfance très très vite fait, parce que j'étais déjà en 6ème, 5ème, donc... Voilà, mais moi, un peu comme toi, c'est vraiment Internet qui m'a vraiment initié un peu au jeu, à découvrir un peu le monde du jeu vidéo. Bon, je parle souvent de SciFac, mais voilà. À l'époque, je pensais pas que SciFac allait prendre autant d'importance, parce que SciFac commence ses vidéos en 2008, hein, donc ça fait très longtemps. Et je regarde ses vidéos peut-être en... Ouais, peut-être les premières, je les regarde en 2009, quoi. Et c'est là que je découvre plein de jeux, mais j'en ai pas conscience encore. Et puis, il y a le Hooper. Le Hooper avec. Épisode de on croit ça, le Let's Play. Ouais. Alors pour le coup, il faisait pas du Let's Play, mais plutôt du test. Et puis le Hooper, bah voilà, qui présentait des jeux comme Banjo-Kazooie. Moi, je me souviens de son test sur Mario Kart Double Dash, qui est l'un des premiers que j'ai regardé et que j'adorais. Mais le Hooper, il y a quelques. Test sur Yoshi's Story aussi. Il y a une décennie, c'était une référence. Et, une décennie, et, ça fait vraiment. Ouais, mais mec, quand je me dis que j'ai commencé à regarder les Ocarina il y a 10 ans. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Un peu moins parce que j'ai dû les regarder fin 2012, mais. Bah, moi, l'un de mes premiers Let's Play. Faudrait que je retrouve, mais moi je crois que l'un de mes premiers Let's Play, Ça doit être Mario Galaxy 2. Je vais vous retrouver ça. Alors, moi, le premier des Ocarina c'était... Heights. Vas-y. C'était il y a. Oh putain, la vache. Ah oui. C'était il y a. Ah putain, il y a. Alors, c'est tellement vieux qu'il n'y a plus la date. C'est possible ça ? Ah oui, quand même. Et alors, YouTube. Alors, le plus vieux commentaire. Attends, je suis obligé de chercher avec les commentaires. C'était il y a 10 ans, du coup. Mais c'était. En vrai, je pense que c'était plus il y a 11 ans qu'il y a 10 ans. Parce que ça mais était sûr vraiment. Qu'il y a plus la date. Bah alors en fait, possible. Alors c'est possible que, bah, je sais pas, dites-moi, parce que moi sur mon truc, en tout cas, il y a pas la date. Donc si vous pouvez me dire la date que c'est, ça serait cool. Mais déjà la vidéo s'appelle vidéo speed test Super Mario Galaxy 2 et pour l'anecdote. C'est 9 mars 2011. Ouais ok 2011. Mais du coup c'est littéralement le premier let's play que j'ai regardé. Avec de ce mec qui s'appelle donc Illus Didi et que je continue un peu de suivre aujourd'hui parce qu'il fait des lives sur Twitch maintenant. Avec les titres où tu vois ouais. Tellement que c'est pas genre calibré pour l'algorithme ouais. Ou quoi. Ouais, non mais. C'est vraiment c'est une description ça. Du truc avec partie 1 et tout. Bah ouais, mais c'était la bonne idée. C'est pas ça. Moi, et il y avait aussi son let's play sur Minecraft qui du coup a été bah, le premier, mon premier contact avec Minecraft. Pareil, ouais. Qui est un jeu qui m'a suivi bah, toute ma vie littéralement. Vraiment, vraiment mes premiers contacts, bon, avec la Team Miel, parce que c'est eux vraiment qui m'ont initié au let's play, c'est New Super Mario Bros. U. Premier let's play, c'est Dazer sur New Super Mario Bros. Wii. Incroyable. Ouais, et 2008. Hein. Genre, le jeu sortait, il faisait le jeu lorsqu'il est sorti. Et puis, j'ai aussi un bon souvenir de... Deux bons souvenirs. BB300. Qui fait encore des vidéos sur YouTube avec son test de Split Second Velocity que je regardais en boucle parce que ce jeu me faisait rêver et a raison parce que j'adore ce jeu. Et l'autre streamer, enfin l'autre streamer, l'autre vidéaste, c'était Diablo X9 hein, qui faisait ah oui. Mario Kart Wii. Et c'était très ah oui, très, il est pas trop connu c'était pour ça, très, très intéressant à suivre. Oui, c'est vrai, mais il a fait Mario Kart Wii. Et ça c'était plutôt cool. Voilà. Mais vivement qu'on fasse du coup l'épisode de Produits en Croix sur les let's play parce que putain il y aura des choses ah, à dire. Ah mec, on a commencé un peu à digresser. Et mais voilà, c'est un peu. Je voulais parler de ce sujet là des premiers jeux parce que je pense que c'était. C'est un bon épisode de retour. C'est ça, je pense que et c'est bien. Et c'est un sujet qui est intéressant. C'est voilà, vous pouvez. Voilà, vous auriez pu regarder, c'est pas trop la saison, mais au coin du feu avec un petit chocolat chaud. Ça aurait pas été plus choquant que ça. Voilà, on sent qu'il y a des petites paillettes dans nos yeux quand on en parle. Mais du coup, voilà. Et vous, n'hésitez pas à nous dire les jeux effectivement ouais. Qui vous ont marqué avec n'hésitez grand plaisir pas, de. Sûr. De discuter sûr, avec vous de tous ces souvenirs et autres et peut-être qu'on en a en commun ou je ne sais pas, n'hésitez pas à nous dire, on sera ravis de discuter avec vous. Vous pourrez nous le dire parce qu'on sera en live en fait le live est déjà passé mais du coup n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux comme ça vous avez les infos sur tous les lives qui arrivent on verra voilà. Incroyable non. Transition non c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est on sera en live le. Et là, et tu affiches une le truc. Voix ah, dire, malinx le lynx. En live le. Voilà. Ouais. C'est très gênant au tournage parce qu'il y a vraiment un gros silence. 23 mars 2023. et du coup, voilà, on en discutera en live avec vous. Avec en espérant vous veniez nombreux. Nombreux, nombreuses, etc. Venez. Ce même sera si sympa. Même si en vrai, s'il y a une personne, c'est déjà bien. Ouais. <C'est>... Mais puis voilà, vous pourrez aussi normalement nous retrouver sur les plateformes, j'espère, cette fois-ci vraiment, parce que je vais vraiment essayer de trouver des moyens pour nous mettre sur les plateformes comme Spotify, peut-être aussi SoundCloud, c'est presque sûr. Spotify Deezer. Un petit peu moins, mais voilà. Et Deezer, je sais pas, faudra voir. Tu sais, ça devrait se faire. Parce que, mine de rien, comme ça, vous pourrez nous écouter autrement que par YouTube ou dans le bus, etc. On espère que ce premier épisode de Produits en Croix. Ce premier épisode de retour de Produits en Croix. Ce fameux premier épisode. De retour de Produits en Croix après un an et quelques vous aura plu. Ah, on vous l'a pas dit, le mois et demi prochain, on parle de Persona 5, épisode 2. Non. Non. Non, en vrai, un jour, peut-être. Ouais. Non, mais est-ce qu'on leur explique du coup, ça sera sûrement, on va sûrement alterner du coup entre des sujets un peu plus généraux comme ça, voilà. Et des comptes rendus un peu de quel jeu on a fait récemment, etc. Exactement, donc rendez-vous à peu près le mois et demi prochain pour discuter des jeux qu'on est en train de faire actuellement. On est en train de faire, voilà, tout simplement. Et en espérant que cet épisode vous a plu. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Tous les liens sont bien évidemment en description, les réseaux de Jem, les réseaux de Nechiku, mes réseaux. Voilà, à bientôt tout le monde. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie et à bientôt. J'ai rien à rajouter si ce n'est salut à tous et salut à toutes.